coordine ce séminaire qui est en déplacement et en arrivant actuellement, ainsi que Bruno Perret qui est sur le travail avec la Sécurité et qui va sur le plus aujourd'hui. Le thème de cette rencontre nous écarte un peu de ce qui fait la préoccupation de nous la plus fréquente du séminaire qui est les pratiques financières européennes. Sous l'interrogation de la dimension éthique de ces pratiques, sans entrer dans le détail, vous savez que notre axe d'entrée, c'est d'essayer de montrer que la question éthique n'est pas un supplément d'âme qui viendrait s'ajouter à des techniques elles-mêmes neutres, et que donc la question de la moralisation de la finance passerait par une éducation morale ou éthique des opérateurs, mais que la dimension éthique de la finance passe par les pratiques elles-mêmes, qu'il y a des hypothèses anthropologiques très fortes qui sont sous-jacentes aux outils mathématiques utilisés, que ces outils ont été élaborés petit à petit au cours du temps, mais que l'on peut sans doute marquer quelque chose comme un début, ou en tous les cas des outils intellectuels qui ont permis les développements successifs, et on a eu évidemment le regard l'attention attirée par l'émergence des probabilités et des techniques calculatoires à la fin du XVIIe siècle. Ce qui caractérise la pensée de la finance aujourd'hui, c'est une pensée en termes de modèle, et il nous a paru important de se déprendre de ces habitudes de pensée et pour ce faire de reprendre langue avec des moments historiques où finance et éthique n'étaient pas dissociées comme elles le sont aujourd'hui. On n'a pas des préoccupations d'un côté technique, de l'autre éthique, mais où l'argument autour du crédit, du prêt à intérêt, articule à la fois ressources et formulations techniques et références et argumentaires éthiques. D'où l'intérêt qu'on a accordé aux travaux de Sylvain Piron sur le débat scolastique, en particulier du XIIIe siècle. Et aujourd'hui, nous faisons un exercice semblable qui nous paraît de nature à assouplir nos modes de pensée, qui est d'écouter Daïk Arriba, qui va nous parler du monde piété de Paris, qui est une particularité, et surtout grâce à cette particularité du monde qui était de Paris qui n'a vu le jour qu'à la fin du XVIIIe siècle, je n'entre pas dans le sujet, ce n'est pas un objet de recherche, mais cet objet nous paraît particulièrement intéressant parce que du coup, pendant toute cette phase, entre la fermeture de l'initiative de Théophras Renaudot au milieu du XVIIe siècle et la réouverture en 1777-78, s'est développée toute une argumentation, des projets, des débats autour de ce possible monde piété. Et donc, cela nous semble particulièrement intéressant d'analyser et de prendre, sentir les échanges argumentatifs autour de ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité sociale du crédit ou du prêt à intérêt, dans un moment où on n'a pas encore comme ressource fondamentale une pensée en termes de modèle. Voilà. Daïna va sans doute présenter ses recherches et son travail, sinon dire qu'elle est chercheuse au Centre de recherche historique, membre du bureau de l'École des hautes études, et plutôt spécialiste du 17e et du 18e siècle. Alors, je te laisse. Merci. D'abord, je remercie je le relis et ça va faire mon identité aujourd'hui. Et puis, alors j'ai deux choses à dire, enfin donc c'est enfin, trois choses. C'est avant de commencer, c'est donc un travail d'histoire, hein, qui porte sur des objets pas très forcément connus, et donc sentez-vous libre de m'interrompre pour des points de précision ou d'explication pendant l'exposé lui-même, parce que ça sera plus simple que d'attendre la fin, hein, et donc de m'arrêter, de me demander de préciser quelque chose. Et je vais essayer de faire le maximum de liens entre cet exposé et ce qui intéresse au séminaire. Mais voilà, hein, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, vraiment loin de nous, n'hésitez pas à m'interrompre tout de suite, d'autant que je parle très vite, donc c'est une autre raison pour m'interrompre s'il y a un problème. Voilà. C'est à peu près tout, je ne vais pas me présenter plus, sinon pour dire, donc mon objet à moi, c'est mon objet de recherche en histoire, c'est le travail intellectuel à l'époque moderne et au début de l'époque contemporaine, ce qui va apparaître là-dedans. Et par ailleurs, je me suis aperçue que dans la reproduction des pages, de documents, il manque une ligne, enfin il manque des lignes en bas. Voilà. De toute façon, on ne va pas tout regarder, mais bon, voilà, attention, je me suis aperçue qu'il manque quelques lignes, une ligne ou deux en bas des documents, donc ça va être un peu embêtant, mais en fait, la plupart des passages que je vais lire qui sont en gras sont dans le corps du texte lui-même. Donc voilà, et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné le maximum de documents d'archives ou de documents que j'ai utilisés pour construire cet objet, afin que ça puisse aussi nourrir la discussion, et puis ça peut toujours, c'est toujours plus clair de partir aux objets eux-mêmes. Alors, je vais vous parler d'un objet qui, je crois, fait voir un jeu instructif, ou en tout cas intéressant, entre éthique et politique dans des questions de finances. Et pour être plus précise, ce qui se voit dans cet objet, c'est un mécanisme de recouvrement de matière ou de questions politiques et d'un travail politique par des argumentaires éthiques. Donc j'ai essayé de montrer qu'il s'agit d'objets politiques, qu'il s'agit d'un travail politique, de questions politiques, et qui sont traités, qui sont recouverts par des argumentaires éthiques, et en l'occurrence, comme on va le voir, des argumentaires empruntés à la théologie morale. Et ce recouvrement n'est absolument pas dû au hasard, parce qu'il fait partie du fonctionnement de l'objet et de l'action qu'il accomplit. Hein, le fait que des questions et un travail politique soient en quelque sorte recouverts ou doublés par des argumentaires éthiques. Alors cet objet que je vais présenter est constitué par un ensemble de projets. Donc non pas des institutions réellement existantes, mais des projets de création d'une institution qui est un monde piété, donc une institution publique de pression cage. Hein. Donc c'est un ensemble de projets de création de monde piété en France, ou plus précisément à Paris. Je vais revenir sur ce point très vite. Donc des projets qui ont existé avant la création effective du premier monde piété à Paris, donc comme le disait Michel, à la toute fin du XVIIIe siècle. Dans les années 1770, donc c'est l'ancêtre du crédit municipal, hein. Enfin l'origine du crédit municipal, c'est même pas l'ancêtre puisque c'est la même institution en fait. Il n'y a pas eu d'interruption, enfin, il y a même pendant la révolution il y a une petite interruption, mais en réalité c'est bien la même institution. Alors qu'est-ce qui m'intéresse dans cette histoire de projet? Qu'est-ce qui me semble-t-il intéresse le travail du séminaire? Alors ce qui m'intéresse moi, c'est que les projets, c'est par excellence une forme de travail intellectuel. C'est du travail d'écriture bien sûr. Et c'est aussi du travail qui consiste à mobiliser des savoirs, et on va voir différents savoirs, pour convaincre. C'est-à-dire pour convaincre ceux qui le peuvent de créer quelque chose. Par exemple, dans ce cas-là, une institution. Donc, il s'agit de mettre ensemble différents savoirs, très, très différents, on va voir, très divers, pour convaincre de créer une institution. Et c'est bien cette mobilisation de savoir et ce que cette écriture particulière fait au savoir qu'elle utilise qui m'intéresse. Comment elle travaille ce savoir, en quelque sorte comment elle les modifie, dans la mesure où ce travail a aussi une dimension d'intervention sur le monde social. D'accord, il ne s'agit pas simplement de connaissance, de savoir, il s'agit aussi d'intervention sur le monde social. L'écriture de projet, à l'époque qui m'intéresse, mais je crois aussi aujourd'hui, permet de voir travailler des gens qui pensent les activités des autres. qui pensent la répartition des emplois, des fonctions, des tâches dans la société. Hein. Et donc il y a une forte dimension performative de ces objets qui pourtant ne débouchent pas nécessairement, et en l'occurrence n'ont pas du tout débouché pendant au moins 150 ans sur la création d'une institution, mais ils s'y opèrent une pensée performative du travail des autres, de la répartition des tâches, des situations, des fonctions dans la société. Alors, ce qu'on peut dire des projets de monde-piété français, c'est qu'ils ont une histoire longue, et même qu'ils constituent l'histoire de l'institution pendant, je l'ai dit, 150 ans, pendant 200 ans même. Comme l'écrit l'auteur d'un de ces projets, qui s'appelle Prévost de Saint-Lucien, vous avez son nom à la fin de, page 9, c'est document 4. Donc, Monsieur Prévost de Saint-Lucien, c'est l'auteur d'un des derniers projets, document 4, hein. Voilà. Donc, il l'écrit en 1775, donc vraiment à la fin de la période, au moment où ça va être créé. Donc, comme il l'écrit dans une phrase qui est significative, il évoque une tentative précédente qui date de 1643, donc un siècle avant, et il déclare « Il paraît que depuis ce temps-là, il n'a été question d'un pareil établissement pour la France qu'en projet. » Donc, l'histoire de l'institution, c'est une histoire de projet. Alors, cette phrase fait aussi remarquer tout de suite quelque chose qui est important, qui est que un des savoirs, j'ai parlé de multiples savoirs, mais un des savoirs qui arme les projets de monde de piété au fur et à mesure de leur multiplication, c'est la connaissance des projets précédents, la connaissance historique des échecs précédents. Donc ça c'est un point très important, les projets se multiplient, se greffent les uns sur les autres, et un des savoirs qui les constitue, ce savoir multiple, donc savoir qui est aussi financier, eh bien c'est la connaissance et l'analyse historique des échecs précédents, et s'agissant de l'étranger, puisqu'ailleurs qu'en France il y avait des mondes piétés, la connaissance des réussites précédentes, donc des réussites étrangères et des échecs français. Voilà, hein, on peut dire qu'un des éléments constitutifs des projets de monde piété au XVIIIe siècle, c'est le récit. Hein, le récit accompagné d'analyse, ou même servant d'analyse. Cet élément est présent dès le XVIIe siècle, mais il se développe au XVIIIe siècle, où, justement, l'accumulation même des projets précédents est un des instruments de l'analyse d'un fait qui est présenté comme particulièrement convaincant de l'urgence qu'il y aurait à créer un monde piété. Et ce fait, qui est présenté comme un fait, c'est le retard français. En matière d'instruments de crédit. Hein. Donc, le fait qu'il y ait eu plein de projets, que ces projets aient constamment échoué, est présenté comme, un argument de l'urgence qu'il y aurait à créer enfin un monde piété. Alors, en fait, j'ai souligné ça parce que ça, c'est quand même assez intéressant, parce que l'historiographie actuelle sur cette institution de crédit, sur les mondes piétés, plus généralement d'ailleurs sur le crédit, insiste énormément sur le retard français en la matière. Ce qui est frappant, c'est que si vous voulez, un des traits de cette historiographie actuelle, de cette histoire économique d'aujourd'hui, est déjà présent dans les projets que j'étudie eux-mêmes. D'accord ? Hein, l'idée qu'il y aura un retard particulier de la France en la matière est une idée qui est dans les sources déjà. Elle est présente. Et comme motivant la nécessité d'une action immédiate. Donc, ce qui est aujourd'hui un élément d'analyse pour des historiens spécialistes des institutions économiques, des institutions de crédit, est à l'époque un argument pour susciter la création d'un monde. C'est une idée de retard qui est constamment là, qui est dans les sources, qui est dans l'historiographie. Et alors, on peut dire, elle n'est pas complètement fausse, cette idée de retard, hein, puisque en effet, alors que tous les pays d'Europe, à commencer par l'Italie, mais aussi la Hollande, l'Allemagne ou l'Espagne, l'Empire allemand, les territoires allemands, l'Espagne, avaient des mondes de piété depuis longtemps, c'est-à-dire au minimum depuis la fin du XVe siècle, la France n'a pas eu de monde de piété jusqu'en donc 1778. 1777, c'est la loi, les lettres patentes qui autorisent la création d'un monde de piété, 1778, c'est l'inauguration du premier monde. La plupart des pays d'Europe ont des mondes de piété depuis la fin du XVe siècle au moins, pas la France. Donc la France est donc une exception en Europe, trait qu'elle partage d'ailleurs avec l'Angleterre, et elle seule. En Angleterre, il n'y a jamais eu de montée, par contre. Sur la question du retard des instruments de crédit, ça fait réfléchir quand même. Hein. Mais donc voilà, hein, les deux pays exceptionnels en Europe de ce point de vue-là, c'est la France et l'Angleterre. Mais par ailleurs, il faut préciser tout de suite, en réalité, il y avait des mondes qui étaient en France. Donc, pendant toute cette période où on dit qu'il n'y en avait pas, il y en avait. En fait, il y en avait à Avignon. Alors, Avignon, ça appartenait au pape, vous savez, c'était pas en France. Donc, il y en avait sur le territoire français, mais ce n'était pas en France. Mais il y en avait aussi à Aix. Il y avait un mont à Aix. Or, Aix n'est pas en terre papale, mais évidemment, c'est très proche d'Avignon. Donc, probablement, c'était une proximité géographique qui faisait qu'il y avait un mont de piété à Aix, aussi bien qu'à Avignon. Il y avait aussi des monts de piété dans les villes de Flandre et d'Artois, qui ont été acquises à la France par les guerres du XVIIe siècle, c'est-à-dire Arras, Lille, Douai, les grandes villes du nord de la France, hein, parce que ces villes qui avaient des monts de piété avant d'avoir été conquises par la France, ont obtenu de faire entrer dans leurs traités de capitulation, c'est-à-dire les traités de paix signés à la suite de la fin de la guerre, hein, de conserver ces monts de piété. Donc il y avait des monts de piété dans tout le nord du territoire, français, du fait de cet aspect de capitulation. Et quelques autres monts, notamment un à Marseille, grande ville quand même, furent créés à la fin du XVIIe siècle. Celui de Marseille date de 1696. D'accord. Et même en 1684, il y avait les évêques de deux villes ont créé des monts de piété, d'une part à Angers et d'autre part à Montpellier. Voilà. Donc en fait, il y avait des monts de piété. Alors, bon, je passe sur la spécificité de ces monts à Angers et à Montpellier. Mais voilà, aussi bien dans les sources de l'époque que dans l'historiographie, il semble qu'il s'agissait là à chaque fois de cas particuliers ou marginaux. C'est-à-dire que c'est jamais traité comme un fait significatif, le fait que dans tel ou tel endroit, même des grandes villes, il y a eu des monts de piété, mais comme des éléments marginaux qui ne font que mieux ressortir le fait. En général, dans la plus grande partie du royaume, il n'y avait pas de mont de piété, et surtout qu'il n'y en avait pas à Paris. Le fait qu'il n'y ait pas eu de mont à Paris signifiait, pour toute cette historiographie qu'il voyait commence au XVIIIe siècle, d'une certaine manière, eh bien, ça signifiait que le royaume rejetait cette institution. Le fait qu'il n'y ait pas de mont à Paris. Alors, quand on s'intéresse à un tel objet, on est assez irrésistiblement entraîné vers la question des causes de ce retard. Forcément. C'est-à-dire qu'on est entraîné vers l'histoire du crédit, vers l'histoire économique, qui est traditionnellement, en tout cas, une histoire d'avance et de retard, une histoire de facteurs de modernité et d'obstacles à la modernité. Hein. Donc quand on travaille sur ça, on est assez irrésistiblement entraîné vers ces questions. Qu'est-ce qui peut causer un retard? Et bien, quels sont les facteurs de cette avance ou de ce retard? Et en fait, l'idée principale, c'est que la lenteur française, enfin, l'idée principale, c'est que cette lenteur de ce retard à créer des monts de piété va avec la lenteur française à admettre en général le prêt à intérêt qui serait nécessaire au développement économique, en l'occurrence, dans le cas des monts de piété, via le développement de la consommation. D'accord ? Donc, quand on travaille sur un tel objet, on est entraîné de ce côté-là vers l'idée très traditionnelle d'un retard français à accepter des instruments de crédit nouveaux et en particulier donc à permettre, grâce à des instruments de crédit nouveaux, le développement de la consommation. Je vous procéderai du développement économique plus large. Alors, juste un point, la question de la faiblesse ou du retard du crédit en France a été complètement remise en cause récemment. Hein. C'est-à-dire les historiens qui travaillent sur la période moderne montrent qu'il n'y a pas du tout de faiblesse du crédit, des instruments de crédit en France pendant la période considérée. Mais en fait, juste ça ne concerne pas, ça ne peut pas tellement m'aider de sauter sur mon objet à moi, parce qu'ils ne travaillent pas sur le crédit à court terme. Ils étudient le crédit à long terme, hein, les instruments de crédit à long terme, mais pas le crédit à court terme comme le crédit. Le prêt sur gage des monts de piété. Bon, donc on peut inférer de ce qu'il montre sur le crédit à long terme que c'est pareil dans le crédit à court terme, mais je n'ai pas d'éléments, si vous voulez, dans une historiographie récente pour permettre de mettre en cause de ce côté-là l'idée d'un retard français. En tout cas, c'est clair que ce n'est pas vrai pour le crédit à long terme, le crédit sur la terre, évidemment. Alors, bon. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, moi, ce que je voudrais faire, ce que je voudrais tenter, et avec vous, c'est justement de ne pas aller du côté des causes, d'examiner la question même du retard français, des causes éventuelles de ce retard, savoir si c'est en réalité plus moderne ou moins moderne de fondier, etc. C'est pas ça que je voudrais faire. Ce que je voudrais faire, c'est bien regarder les projets et voir ce qui s'y fait, ce qui s'y produit dans ces projets eux-mêmes, dans ces sources elles-mêmes. Donc d'abord, comment le projet comme objet écrit se nourrit de la connaissance du passé et de forme de connaissance du passé, on va dire, et de l'interprétation de ce que le présent, après tous ces échecs, exige en matière de sérieux des propositions, en matière de preuves, de faisabilité, de probité, etc. Tout ce qui se construit de ce côté-là dans des projets, c'est-à-dire plus il y a d'échecs, plus il faut de preuves de la faisabilité du projet. Alors, je voudrais juste vous faire lire un passage, page 5, dans un des documents. Donc, alors, je vous ai donné presque en entier, en fait, un projet qui s'intitule Mémoire, qui est un document manuscrit qui se trouve aux archives de Paris, là, dans le 19e, qui s'appelle Mémoire concernant le rétablissement du monde piété établi sous le règne de Louis XIII. Alors, ça, vous voyez, je ne vais pas commenter ça, hein, mais le titre même va dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire mémoire concernant le rétablissement du monde-piété. Et non pas la création de la monde-piété, mais l'idée qu'il y aurait eu une première création, c'est complètement faux, hein, qu'il y aurait eu une première création qui n'aurait pas marché, que donc il faut rétablir, mais il fallait le faire, parce que c'est une décision royale, hein, mais bien, c'est loin. Donc il y a eu une première loi en 1726, certes, ça n'a pas débouché, mais il faut respecter la volonté royale, etc. Alors je voulais juste vous montrer page 5, c'est en gras, au milieu de ce mémoire, vous avez l'évocation d'un autre moment de création, de tentative de création d'un monde, qui est 1643, donc vous voyez, 1626-1643, et c'est un projet dû à un type qui s'appelait Balthazar Gerbier, et voici le commentaire que fait l'auteur de ce projet du XVIIIe siècle, hein. Ça, c'est un mémoire qui date, j'ai oublié de le dire, c'est un mémoire qui date du milieu du XVIIIe siècle, qui est déposé aux archives de Paris, mais qui donc évoque différents projets précédents, 1626 puis 1643. Et voilà comment il le commente. Deuxième paragraphe, 56-253. Si ce projet si grand et si beau n'a pas eu lieu, c'est qu'il avait des vices intérieurs qui le firent échouer. Premièrement, son extrême et excessive étendue sans cesse dans près de 98 villes des principales des royaumes en rendait l'exécution difficile. D'ailleurs, il n'était ni bien dirigé ni bien concerté. Deuxièmement, l'exécution en était suspecte et peu sûre, la fidélité de l'administration n'étant fondée que sur les serments de ceux qui y étaient employés. Au lieu que cette fidélité doit être tirée de la sagesse des statuts de la police. Donc la police, c'est l'organisation, hein, ce qu'on appellerait la gouvernance. Et de là heureux de lier tous les différents membres de ce corps par une correspondance mutuelle qui les fasse dépendre nécessairement les uns des autres, ce qui était impossible dans une si grande étendue tout à la fois. D'ailleurs, les auteurs du projet de 1643 pouvaient bien connaître les statuts et les lois des principaux mondes piétés de l'Europe, mais pour faire jouer habilement et facilement tous les ressorts de cette grande machine, il fallait, outre l'étude du mécanisme, avoir considéré avec des yeux observateurs la machine en mouvement, ce qui était bien difficile à observer, étant trop confuse et trop compliquée. Donc, un exemple du vocabulaire utilisé. Et page 10, vous avez un autre exemple. C'est dans le livre, cette fois-ci, de Prévôt de Saint-Lucien, que j'ai cité tout à l'heure. Là, il ne s'agit donc pas d'un projet manuscrit, mais d'un livre publié en 1775, puis en 1778. Et regardez au milieu ce qui est en gras. Non, en haut. Hein. Pour former un projet, il ne faut que de l'imagination. C'est un point, c'est page 10 en haut. Pour former un projet, il ne faut que de l'imagination, c'est un point à saisir. Pour en tracer le plan, il faut en outre des lumières, c'est un ensemble à réunir. Tout le monde peut projeter. Mais il faut des connaissances pour faire mouvoir les ressorts combinés d'une vaste machine. C'est le mot machine dans les deux textes qui m'a intéressé. Hein. Faire mouvoir les ressorts combinés d'une vaste machine, en voir d'un coup d'œil tout l'accord. Il nous semble qu'à l'égard d'une caisse de prépublique, on n'a jamais bien saisi les principes qui devaient la régir. Alors, vous voyez, ce qui m'intéresse là, hein, c'est l'idée qu'il y aurait là comme l'élaboration d'une science de ces questions. Vous voyez, c'est un vocabulaire scientifique pour l'époque, un vocabulaire de la physique, du mécanisme. Hein, Et voilà, dans l'écriture de ces projets qui se réfèrent à des projets précédents et qui analysent leur échec, s'élabore un savoir et même une science de ces questions, d'accord ? Alors même que ces écrits sont pourtant des écrits sans effet sur le réel. Apparemment, des traces laissées par des projets chimériques au sens de non réalisés. Donc c'est comment ? Voilà, à travers ces objets qui pourraient apparaître comme sans intérêt, puisque ça n'a pas d'objet sur le monde qui était, ça n'a pas eu d'effet. Et bien pourtant, circule, travaille, s'élabore un savoir qui prend le, qui se donne la place. Voilà. Donc c'est ça ma question. C'est comment le projet, qui est rédigé par des gens qui sont d'abord des sortes d'entrepreneurs, peut-être un lieu d'élaboration, de mise au point d'un savoir spécifique, qui est un savoir sur le monde social, et peut-être un savoir politique. Vous avez vu, il s'agit de voir comment les choses marchent ensemble, comment ça se gouverne ensemble, comment tout ça doit être vu en mouvement dans l'ensemble du royaume, etc. Donc c'est comment s'élabore là-dedans une forme de savoir politique. Alors, bon, je passe sur le fait qu'on est... Enfin, je passe à une dernière remarque introductive avant de me concentrer sur les objets, hein, en disant que ouais, on pourra avoir envie de renvoyer ces choses-là à des utopies aussi, au même type d'écriture que les grandes utopies réformatrices de la période, mais en fait, ce ne sont pas du tout des objets qui présentent des réformes globales. Il ne propose pas du tout de réforme globale de la société. Il y émerge un savoir politique de la société, mais ce n'est pas du tout dans le sens où il y aurait un projet de réforme sociale globale, de réforme politique globale. Ce sont des objets assez faibles, hein, qui sont du côté de la rumination individuelle. Ce sont des entrepreneurs, et comme je vais vous expliquer ça, et comme je vais essayer de le montrer, ce sont des entrepreneurs qui demandent à se voir autorisés à prêter de l'argent, en réalité. C'est à ça que ça sert ces projets, hein. Et c'est pas du tout des grands réformateurs sociaux, mais pour autant, s'élaborent là-dedans, comme en quelque sorte un produit de leur production, on va dire, un savoir politique du social, où il y a des questions de finances et de type qui sont posées. Alors justement, bon, dans le temps que j'ai pour parler, hein, je vais m'intéresser à au projet dont vient l'extrait, le premier extrait que je viens de lire, qui est donc ce projet de 1667, qui est dû à un certain Richard Desglanières, vous avez son nom entre crochets, mais ce n'est pas signé, hein, on n'a plus l'identité, c'est Richard Desglanières. Et donc voilà, donc c'est rédigé en 1767, et ça se trouve dans les archives consulaires, c'est-à-dire dans les archives des tribunaux des marchands de Paris. Les tribunaux consulaires, ça concernait les marchands. Et voilà, donc ça a été adressé au bureau du commerce, qui a nommé un conseil de marchands qui a approuvé ce projet. Ça a donné lieu à une publication imprimée partielle, sans plus. Voilà, hein, il y a eu une publication imprimée partielle de ce mémoire, et c'est tout. Pas d'autre effet. Hein, et j'évoquerai aussi quelques autres projets pour le mettre en place. Alors, voilà, cet objet, je l'ai abordé avec une hypothèse de travail et une question. Et c'est ça. Alors, mon hypothèse de travail, c'est la suivante. Il me semble que peut-être c'est parce que ces projets ne viennent pas du pouvoir politique, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de gens qui sont logés auprès du pouvoir politique ou dans des institutions savantes, de la période des académies par exemple. Peut-être, hein. C'est pour cela que ces projets peuvent penser quelque chose de très spécifique, qui est l'effet possible d'une institutionnalisation d'un prix fixe du crédit privé. En fait, c'est ça qu'il s'efforce de penser. C'est le prix fixe du crédit à court terme, l'effet possible sur le monde social qui pourrait procéder de la mise en place institutionnalisée d'un prix fixe du crédit à court terme. Voilà, hein, donc il pense l'effet d'institution peut être adapté à l'économie très incertaine de l'époque. Les changes sont très incertains à l'époque, et donc ce qui s'efforce de penser, c'est la mise au point de quelque chose de fixe, d'un prix fixe du crédit à court terme au sein d'une économie d'échange très très incertaine. Voilà. Et je dis que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas dans les institutions académiques ni près du pouvoir politique qu'ils peuvent penser ça, parce que, comme on va le voir, la position du pouvoir politique et des académies est très négative sur ça, tout au long de la période. Hein? Là, le fait de poser, d'instituer, d'autoriser dans une institution, de garantir, si vous voulez, un taux de crédit fixe. Il y a déjà un taux d'usure qui est légal. Il y a le taux, c'est pas l'usure, mais il y a le taux légal du prêt, mais qui ne concerne que les prêts de l'État. Non, c'est le taux légal. Oui, le taux légal. Le taux au-delà duquel c'est l'usure. Oui. Mais là, ce qu'ils veulent proposer, c'est un prix fixe supérieur, légèrement supérieur au taux légal, institué, autorisé, pour des prêts. Mais bon, si vous voulez dire, c'est qu'un taux soit connu et connu, garanti, tout le monde puisse en prêter. Voilà, quel taux le monde puisse en prêter. Institué. Et qui ne varie pas dans le temps, ni en fonction. Ni pendant la durée du prêt. Ni pendant la durée du prêt, voilà. Et qui ne soit pas fixé entre particuliers, mais dans un lien entre avec une institution. Mais pour autant, une institution qui serait privée. Voilà. Alors ça, c'est l'hypothèse. Et alors, la question, elle est beaucoup plus simple. Elle porte sur quelque chose qui est tout à fait étrange dans ces projets, qui est que y a quelque chose qui est, j'ai dit au début, qui est très très très très présent. C'est la théologie morale et le droit canon. Voilà. En fait, il y a beaucoup de savoir dans ces projets, je l'ai dit, mais alors le savoir qui est le plus dominant, bien plus dominant que le calcul, c'est la théologie morale et le droit canon. Tous ces projets ne cessent de réinvoquer la condamnation canonique de l'usure, tout le temps, constamment, ne cessent de revenir là-dessus, alors que ils l'évoquent comme devant être réglés, comme étant une des causes du retard, comme des causes du refus du monde qui était. Alors que, en fait, s'agissant des mondes qui étaient, la question de la condamnation de l'usure a été tranchée. Elle est déjà tranchée depuis très très longtemps au moment où ces gens écrivent. Pourquoi hein? D'ailleurs, eux-mêmes évoquent les éléments qui montrent que ça a été tranché, hein, puisque les conciles de Latran et de Trente ont autorisé les mondes qui étaient et ont même interdit de prêcher contre les mondes qui étaient. D'accord? Il y a toute une série de bulles papales qui sont citées par les auteurs de projets qui autorisent les mondes depuis le 15e siècle. Et il y avait un monde à Rome, dont les règlements, depuis le début du 17e siècle, dont le règlement avait été rédigé, ou du moins commandité, par le cardinal Borromée, c'est-à-dire par un saint. Donc c'est à peu près garanti de toutes les manières possibles. Tout ça est parfaitement réglé dans le monde catholique. Les monts de piété ne sont pas usuraires. C'est réglé pourquoi hein? Parce que l'intérêt dans un mont de piété est conçu comme seulement compensatoire. Il assure la survie et la gestion du mont et ne sert pas à rémunérer l'argent des prêteurs. Donc c'est ça qui fait que le monde de piété échappe à la condamnation de l'usure, c'est le fait que l'intérêt perçu soit exclusivement destiné à assurer la survie du monde et pas à rémunérer l'argent des prêteurs. Attention, ça c'est un argument théologique, c'est pas un argument juridique. Non, c'est un argument de théologie morale et de bah, c'est-à-dire le fait que ça passe dans des bulles et le concile de Latran et de Trente, ça passe dans des. L'histoire que Thurgot raconte sur le mémoire sur les traits d'argent, par exemple, elle est parfaitement réglée du point de vue théologique, et pourtant les plus incontournables. Alors, c'est pas la même chose, hein. C'est pas parce que la théologie l'autorise que la justice civile l'autorise. Alors, vous parlez de quoi? Vous parlez d'usure? Oui, sinon je parle de prêt en matière commerciale. Oui, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais c'est non, je parle logiquement réglé et qui pourtant n'est pas réglé. Tout à fait. Du point de vue du droit français, mais droit appliqué en France du moins. Mais là, s'agissant des mondes qui étaient. Là aussi, vous avez aussi l'affaire était logiquement entendue, mais à l'époque, les contemporains savaient bien que c'est pas parce que c'est entendu du point de vue théologique, c'est pas parce que c'est clair du point de vue théologique que c'est clair du point de vue d'action. Oui, mais il est remarquable qu'ils évoquent le problème de la condamnation théologique comme étant ce qui motive les difficultés alors que cette condamnation théologique n'a plus été depuis 200 ans. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils argumentent théologiquement dans une question qui est réglée théologiquement. C'est ça que je trouve remarquable. C'est-à-dire qu'ils ne cessent de faire réintervenir cette, cet élément et comme ayant une cause d'obstacle, cet élément qui est tout à fait réglé, et eux-mêmes ont les instruments. Mais parce que, encore une fois, mais c'est pas un problème juridique, les mots c'est un problème juridique. Mais si, c'est-à-dire que justement, puisqu'il y a une loi sur mesure et que la justification de la loi sur mesure c'est la théologie, il y a une ambiguïté de fait, même si c'est pas la position de l'Église que la loi défend, mais la loi s'appuie sur une position de l'Église qui n'a pas lieu d'être. Donc considérer que la question est réglée en matière théologique, ce serait vrai s'il n'y avait pas la loi. Oui, mais la loi n'a pas. Oui. Permettez, la loi à l'époque n'empêchait pas une usure au vu et au dessus de tout le monde qui se pratiquait très régulièrement au niveau des Lombards à des taux d'environ 400%. Donc c'était une pratique courante. Moi, je ne suis pas au courant d'une loi qui interdisait le taux d'usure, comme vous dites. Non, le taux d'usure, c'est quand il y a un taux légal. À l'époque ? Oui, il y a un taux légal. Il y a un taux légal et on peut même être condamné quand on dépasse le taux légal. C'était la pratique courante, sur le prêt sur gage. Le prêt sur gage, c'était un prêt qui effectivement se pratiquait à très grande ampleur à Paris à l'époque. Et ce qui effectivement a motivé la création des bons de piété, aussi bien en Italie au XVe siècle que plus tard en France, c'était précisément le fait qu'on voulait faire échapper les gens à cette situation. Et donc créer de toutes pièces, c'est-à-dire par rapport à la réglementation, je la connais par cette réglementation de taux d'intérêt de l'époque, mais quelle qu'elle soit, on attendait du roi un édit et effectivement une décision qui allait autoriser la création d'un monde de piété qui allait mettre fin autant que possible à cette usure qui était extrêmement grande. Avec comme paradoxe, que ce qu'on demande en fait, c'est de déroger à un texte qui restreint déjà l'usure. C'est qu'on demande de déroger à un taux qui est un taux maximal. Et donc le paradoxe, c'est que pour mettre fin à l'usure qui existe, on demande d'autoriser une usure qui est interdite. Par un organisme, je dirais, accepté par le pouvoir public sur une pratique d'un exercice particulier qui n'est pas un prêt simple, oui, un prêt avec un. Vous me permettez d'intervenir dans le débat. Donc, j'essaie d'être précise quand même. J'essaie d'être précise sur un point, c'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est le fait que c'est la présence d'un argumentaire théologique dans ces écrits. Et une référence très forte. À un problème et à la conscience délicate des gens et à un problème théologique. Et oui, alors avec un petit rappel, c'est que donc ce qui fait l'usure, canoniquement parlant, c'est donc pas le taux, contrairement à aujourd'hui, c'est le fait que l'intérêt rémunère un argent qui pourrait servir à autre chose, mais dont il est fait commerce. C'est là qui constitue l'usure. Si l'argent est aliéné, c'est-à-dire s'il ne sert pas, il ne peut pas servir à autre chose, comme dans le cas des rentes, alors il n'y a pas usure non plus. Et ici, l'intérêt n'en est pas un. Et voilà, donc dans le cas des monts de piété, c'est la même chose, puisque l'argent est censé servir, est censé servir purement à la gestion et à la survie du monde, et non pas à rémunérer, l'intérêt prélevé ne sert pas à rémunérer l'argent des prêteurs. C'est ça qui fait échapper le monts de piété, quand il existe, à... du juif. Alors, donc, au contraire d'autres cas de prêt à intérêt, en principe, cette question est donc canoniquement et théologiquement réglée. Donc, c'est là tout simplement la question, pourquoi est-ce que ça continue à faire partie de l'argumentaire des projets? Pourquoi est-ce que ça reste présent dans tous les projets? Pourquoi est-il toujours question de gens à la conscience délicate? Pourquoi c'est ça qui occupe le devant de la scène de cette écriture? Par exemple, vous avez ça en haut de la page 4. Voilà, observation, je ne vais pas le lire, mais c'est dans le projet des Glanières. Il y a tout un chapitre qui s'intitule « Observation concernant les décisions des bulles des papes, des conciles de Trente et de Latran, les différentes conférences de nos docteurs de Sorbonne, et notamment celle de Monseigneur le cardinal de Noailles, lesquelles lèvent tout scrupule que différents citoyens pourraient faire naître sur le rétablissement du monde piété, ainsi qu'il est détaillé ci-après. » Donc là, c'est pareil dans tous les autres, je vous donne ça, c'est un exemple pour le coup. Vous avez les mêmes références... romaines, les mêmes références françaises qui sont des références particulièrement rigoristes, la conférence de Noailles, c'est plutôt une théologie dure, rigoriste, en particulier en matière des conférences sur les questions d'usure. Donc, c'est toujours, ça apparaît toujours dans tous ces projets. Alors, bon, on pourrait m'objecter que ce passage sur les observations des papes, il est copié d'un livre de droit canon, d'un docteur en droit canon qui s'appelle Ferretti, qui paraît en 1752. Effectivement, c'est copié à peu près mot pour mot. Mais ça ne résout pas la question, j'ai trouvé la source, mais vous voyez que c'est pas. Même si on, des passages comme ça sont produits dans les projets en recopiant des livres dotés d'une certaine autorité. Pourquoi faut-il toujours parler d'une prohibition canonique qui n'existe pas, même si, et là encore, il y a une espèce de continuité entre le XVIIe siècle et nos jours, l'historiographie d'aujourd'hui en parle encore. C'est-à-dire que de même que le retard posé dans ces objets est repris dans l'historiographie, de même le fait que la condamnation canonique de l'usure aurait eu un rôle là-dedans est également reprise dans l'historiographie d'aujourd'hui. Ça, c'est assez. Donc là, voilà, ma question c'est plus exactement qu'est-ce que ça révèle ? Voilà, il me semble que ça pourrait révéler, que ça pourrait montrer que ces projets de Montpiété ne sont peut-être pas totalement ce qu'ils paraissent être. C'est-à-dire qu'il y a une présence si forte de la théologie morale, de la question morale, ça révèle peut-être, ça montre, je crois, que ces projets ne sont peut-être pas ce qu'ils paraissent être. Je veux dire qu'ils ne concernent pas seulement. Pas tellement, ou pas seulement, le crédit à la consommation pour les pauvres. Puisque, en principe, c'est ça, c'est le crédit à la consommation pour les pauvres. Mais il me semble que ce qu'on voit dans cette présence de la théologie, c'est que, ça couvre un autre problème. Voilà, le prêt sur gage à intérêt modéré pour la consommation des pauvres, des gens du peuple, ça, c'est le monde qui était charitable. Et c'est bien ça qui ne pose pas de problème du jour. D'accord, hein, le monde-piété, le prêt sur gage à intérêt modéré, destiné spécifiquement aux gens du peuple, aux pauvres, pour leur consommation, ça, c'est l'institution du monde-piété charitable. Et ça, effectivement, ça ne pose pas de problème du tout. Mais il me semble qu'ici, il s'agit aussi d'autre chose, je crois. Ça concerne quelque chose qui concerne beaucoup d'autres gens que les pauvres. Et pour voir ça, je voudrais qu'on regarde le bas de la page 4 dans mon document, qui est donc vous voyez, c'est ce qui commence par le conseil sous-signé qui a lu le mémoire à consulter ci-dessus concernant l'établissement du Mont-Piété. Donc là, c'est pas sous la plume de Desglanières, c'est les gens qui, au bureau du commerce, ce sont les marchands réunis qui ont lu ce mémoire et qui commentent le mémoire, qui commentent ce projet. D'accord ? Ils l'ont lu et voici comment ils le commentent. Donc ce conseil estime que les exemples dont il est appuyé, donc ce projet, et son utilité évidente, doivent lui procurer un accueil favorable du bureau du commerce, la protection du prince et du gouvernement et la bienveillance des magistrats. Cet établissement a souffert à l'origine une très vive contradiction en Italie, parce qu'il paraît d'abord contraire aux lois du prêt qui doit être gratuit. Surtout lorsque le principal n'est pas aliéné. Mais on a réfléchi en Italie que la charité étant refroidie, et les prêts gratuits étant devenus de véritables êtres de raison, donc inexistants, l'amour du bien public exigeait que puisque les prêteurs étaient exposés à pouvoir perdre une partie de leur capital, il était juste qu'ils fussent associés aux bénéfices que les emprunteurs se procuraient avec le secours de leur argent. En conséquence, les Montpiété ont été autorisés dans toute l'Italie, d'abord par des décisions des souverains pontifs, et ensuite par les décrets de deux conciles généraux, de Latran et de Trente. De l'Italie, les Montpiété ont passé en France. Louis XIII en autorisa l'établissement par un édit du mois de février 1626. Cet édit n'a pu avoir son exécution parce qu'il renfermait un vice en lui-même. Ça, c'est une analyse de ce qu'écrit Desglanières, en fait. Hein. Ce vice consistait en ce que la direction et toutes les opérations étaient confiées au commissaire aux cités réelles qui devait y employer des deniers qui n'étaient pas à lui. Dans une ville comme Paris, singulièrement, l'utilité sera évidente. L'usure est commise chaque jour des mois infinis. Il y a une infinité de gens qui ont tous leurs biens dans leur portefeuille, qui ne supportent point d'impôts, et dont le métier est de faire valoir leur argent à un denier, donc à un intérêt excessif. Ces intérêts montent souvent à 65%. Qu'est-ce qui pourra refuser son suffrage au Mont-Piété quand on aura convaincu que ce qui coûte actuellement 9 livres, 12 sols par mois, sur 12 livres aux pauvres artisans, aux pauvres débitants de denrées de la Halle, ne lui coûtera plus que 13 sols 4 deniers par mois sur 100 livres. Alors ça, on est du côté du précharitable pour les pauvres. Mais regardez la suite. Si l'on fait par là l'avantage du peuple et de l'artisan, alors je vous ai noté, en fait, il y avait public et c'était barré dans le manuscrit. Hein. Donc si l'on fait par là l'avantage du peuple et de l'artisan, on ne fait pas moins celui de l'honnête marchand, qui trouvera un intérêt raisonnable, une ressource pour acquitter les lettres de change qui le prêtent et qui l'empêchera souvent de faire une faillite aussi ruineuse pour lui que pour ses créanciers. Le militaire pour entrer en campagne, l'étranger qui tombe malade, qui attend des fonds sur lesquels il éprouve des retards, il trouvera à l'aide des effets dont il pourra céder une ressource assurée. Combien d'autres citoyens pourront tirer un secours utile dans des cas pressants sans être obligés d'user de remèdes qui les perdent. C'est là qu'il manque. Et en fait, ça, on voit donc que ça concerne beaucoup d'autres gens que les pauvres. Et les exemples qui sont cités, l'honnête marchand, le militaire, l'étranger, ne viennent pas de Deglania. Ne viennent pas du projet que les marchands du bureau du commerce lisent. Donc ça m'a assez frappé parce que pour le reste, ils font un extrait de ce que dit Deglania et approuvent son mémoire. Mais ça, ces exemples-là, ça ne vient pas du projet de Deglania lui-même. Ça vient d'ailleurs. Ça vient de quoi ? Eh bien, ça vient précisément du projet de 1643. Le projet de Balthazar Gerbier que j'ai évoqué rapidement à un moment. Et vous l'avez, je vous l'ai donné page. Non, je ne l'ai pas donné. Bon, Gerbier, il avait donné beaucoup de projets pour lancer son nom. Non, je ne l'ai pas donné, je pense. Mais, non, vous ne l'avez pas. Parce que c'est trop long. Mais il y a toute une liste où il dit que ce monde piété, si on le crée, ça sera surtout utile aux marchands, aux militaires, aux nobles, mais surtout aux marchands. Et donc, les gens qui lisent un projet 100 ans après, 120 ans après, qui commandent ce projet en disant « oui, c'est bien, c'est charitable », retrouvent les arguments et les éléments qui étaient dans un projet de 1643, et où on voit que ça ne concerne pas que la charité, où ça concerne des affaires entre marchands, que ça concerne des gens qui n'ont pas de problème d'argent en réalité, mais qui font un certain nombre il ne s'agit pas de permettre de la consommation grâce à une charité immédiate, mais que ça sert à faciliter un certain nombre d'affaires en donnant des liquidités en particulier à des marchands, à des négociants, à des militaires, à des nobles, etc. Alors, voilà, hein, c'est ce que j'ai voulu vous faire remarquer par là, ce que je pourrais résumer, ça veut dire qu'il y a, bon, il y a donc un effet qui est difficile à faire, c'est-à-dire d'accumulation et de connaissances partagées. Vous voyez, Deglanière envoie un mémoire à lire à des marchands parisiens, ces marchands parisiens le lisent avec des connaissances chaotiques Deglanière, mais en l'occurrence, et en fait, ce qui se révèle, Deglanière cite Balthazar Gerbier, mais il ne cite pas la liste en question. Les marchands lui répondent avec la liste en question. Donc il y a un effet de connaissance et de compétence partagée sur ces questions. Et ces questions, ce ne sont pas simplement des questions de crédit à la consommation pour les pauvres, de crédit charitable, mais de toutes sortes de crédits à court terme. Voilà. Ce qui se crée, s'invente dans ces projets, c'est une espèce de réflexion, de savoir sur toutes sortes de crédits à court terme. Et il me semble qu'on pourrait dire que tous ces projets sont en fait destinés à permettre des prêts à court terme, éventuellement aux marchands, à un intérêt supérieur au taux légal. Que ce qu'il y a derrière, ou ce qu'il y a dessous, ou ce qu'il y a dedans, qui se construit de projet en projet, c'est ça. C'est la tentative pour faire autoriser, pour faire permettre des prêts à court terme adressés à tout un ensemble de gens, pas simplement aux pauvres, et à un intérêt supérieur au taux légal, le taux légal étant donc le denier 20, 5%. Alors, chez Balthazar Gerbier, donc 1743, le taux qu'il se proposait de faire autoriser était de 15%. Ce qui, d'après Deglanière, et d'après d'ailleurs aussi Serretti, le docteur en droit canon que j'ai cité, et également Prévost de Saint-Lucien, le dernier de la série, c'est la cause de son échec, le fait d'avoir tenté un taux aussi élevé. De tenter de faire autoriser un taux aussi élevé. Alors, Deglanière propose un taux beaucoup plus faible, vous le voyez dans vos documents, c'est il propose en fait 6,25%. Donc, En fait, il propose deux taux. Vous l'avez, page 2, c'est l'article 10. Voilà, il ne sera fait aucune retenue aux emprunteurs pour les sommes qui leur seront avancées par les administrateurs du MOU, que celles-ci après savoir pour 6 mois aux données 16, suivant les spéléries, 3% et 1/8, et pour l'année entière, 6 et 1/4%, donc 6,25%. Et il propose un autre, en fait, il propose deux types de prêts, donc un prêt donc à 6,25% et un prêt à 8% qu'il appelle le prêt de la halle sur des denrées périssables. Un prêt sur gage sur des denrées périssables. Voilà, hein. Donc un premier taux commun de 6,25% et un deuxième taux de 8%. Alors vous voyez que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une diminution par rapport au projet du XVIIe siècle. Alors j'ai dit que celui de Gerbier, celui de 1743, c'était 15%, mais en fait la plupart des projets du XVIIe siècle, c'est 15% ce qui est tenté, ce qui est proposé. C'est de l'intérêt à 15%. Là, ce qu'il propose des Glanières, c'est, et en général, au XVIIIe siècle, on a une tendance à diminuer, à baisser, à tenter, à calculer des taux plus faibles, mais on reste toujours supérieur au taux légal. C'est-à-dire que malgré tout, ce qui est tenté, c'est quelque chose qui est toujours un tout petit peu supérieur au taux légal. Et vous voyez, et c'est bien pour ça qu'il y a un problème d'usure. Donc là, je rejoins ce que c'est mieux, c'est-à-dire que c'est bien pour ça qu'il y a un problème d'usure, parce que sous le dispositif charitable, tout à fait permis, puisque l'intérêt n'est pas censé rémunérer de l'argent, mais est censé permettre simplement la survie du monde, ce qui est tenté derrière, c'est l'autorisation d'un système de crédit un tout petit peu supérieur au taux légal. Un tout petit peu supérieur au taux légal. Et donc, c'est à faire travailler cet argent dans le monde du pays. Hein. Et voilà. Donc, ce n'est pas à proprement parler des questions de charité dans cette affaire de l'anxiété. Et le savoir théologique, les questions éthiques, les citations de bulles papales, les citations de conférences de docteurs en théologie morale, etc., ça sert, je crois, à garantir une écriture qui se situe bien dans un domaine qui appartient bien au territoire disciplinaire de la théologie morale et du droit canon, qui est la question plus large des inventions en matière d'instruments de crédit. D'accord ? Donc, qui est effectivement une question, une question juridique, mais qui est une question très très fortement théologique, qui est une question morale. Hein. Et il y a un très grand nombre de livres qui paraissent au XVIIe ou au XIXe siècle sur ça, sur l'invention en matière d'instruments de crédit. Et voilà, et la présence de l'éthique ici branche une question charitable, c'est-à-dire une question où il n'est pas, en principe, question d'usure, sur toute cette production, toute cette réflexion sur les instruments de crédit. Voilà. Et il me semble que ce savoir théologique, il fonctionne de la même manière. Ça sera le deuxième point. Donc, mon premier point, c'était présence de l'éthique, présence de la théologie, et à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça révèle. D'accord ? Est-ce que c'est à peu près clair ? Deuxième point. Le fait que ce savoir théologique il fonctionne de la même manière qu'un savoir d'une autre nature, qu'un savoir, on peut dire, juridico-politique sur les précédentes décisions, cette fois non pas des papes et des docteurs, mais des rois en la matière. Donc, dans ces projets, il y a un savoir théologique, il y a un savoir canonique, il y a un savoir moral, et il y a un savoir juridico-politique sur les décisions royales qui ont été prises en matière de monde piété. Et je vous l'ai dit, chez les Glanières, ça se voit dès le titre de son mémoire, hein, rétablissement du monde piété établi par édit du roi Louis-Philippe. Et donc, effectivement, ce projet fait référence à un édit qui a effectivement existé, de 1626, mais qui a été annulé dès 1627. Voilà, qui a été invalidé dès 1627. Alors, une chose qui est frappante, hein, c'est que pour nous, c'est facile de nous référer à des lois, à un corps de loi, et même à un corps de loi d'Ancien Régime. Mais pour des gens du XVIIIe siècle, c'est pas du tout évident, ce n'est pas des objets publics, ce n'est pas des objets à proprement parler public. Un édit de 1626 qui a été annulé en 1627, il n'y a pas un code où vous allez trouver ça. ça n'existe pas. Hein. Il faut aller voir dans les enregistrements du Parlement, et ce n'est pas une documentation publique. Les anciennes lois de ce type-là ne sont pas encore publiées sous la forme d'un corps des anciennes lois. Il y a des publications d'ordonnances, il y a des publications dédiées, il y a des commentaires dédiés d'ordonnances, mais leur validité ou leur non-validité n'est pas immédiatement accessible à quelqu'un qui en plus n'est pas un professionnel du droit, comme c'est le cas avec la. Donc il y a un travail de rassemblement d'une documentation juridico-politique qui est également très difficile à faire et qui fait partie de du savoir de la science qui s'élabore dans ces objets. Alors, les références qui interviennent dans la majorité des projets, c'est 1626. Voilà, hein, donc c'est cet édit, aussitôt annulé. Alors en fait, pourquoi il a été annulé, hein, parce que l'édit 1626, c'est une proposition d'un gars qui, en fait, voulait utiliser l'argent qui était pris dans des saisies, dans des décisions de saisie, pour prêter et gagner lui-même de l'argent là-dessus. C'est-à-dire qu'il voulait se faire attribuer le privilège d'utiliser l'argent des saisies pour prêter. Donc ça a marché pendant un an, et en fait, le Conseil du roi s'est aperçu que ça consistait à donner le moyen à quelqu'un d'utiliser un argent saisi par décision de justice, par décision royale, pour prêter lui-même, et donc ça a été immédiatement annulé. Desgagnères ne le dit pas, mais c'est ça qui s'est passé en fait. L'autre référence fondamentale, c'est celle qui est revenue à plusieurs reprises, c'est 1643. 1643, alors vous voyez, c'est le moment où c'est la minorité de Louis XIV, c'est-à-dire le moment de la régence de la reine mère. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que Balthazar Gerbier a tenté de profiter des difficultés dans lesquelles se trouvait Théophrastos Renaudot après la mort de son protecteur Richelieu. Donc on est au tout début, après la mort de Louis XIII, au tout début de la régence, après la mort de Louis XIII et la mort de Richelieu. Et en fait, Théophrastos Renaudot, qui est assez connu parce que c'est le créateur de la Gazette et du Bureau d'Adresse, et en fait, il pratiquait le pression-gage à 15%, de manière tout à fait au vu au-dessus de tout le monde, à Paris depuis 1637, parce qu'il était protégé par Richelieu, et donc il pratiquait le pression-gage tranquillement dans Paris. Oui. Il avait une autorisation de l'édit de 2013, hein. Du premier à 1637. Il est autorisé à le faire. Mais à partir de la mort de Richelieu, ce genre d'autorisation, ça ne dure guère. Et il est très fortement attaqué à partir de 1643-44, et en particulier attaqué comme faisant commerce, comme se livrant en réalité au commerce, alors que Théophrastos Renaudot est médecin. Donc, étant médecin, il n'a pas le droit de se livrer au commerce, et donc il dégraderait la profession de médecin en se livrant aux pressions vertes. Les attaques ne sont pas fondamentalement sur l'usure. Hein. Les attaques qui sont contre lui utilisent d'autres arguments, mais bref, il y a un arrêt du Conseil d'État contre lui dès 1644, et ce que fait Balthazar Gerbier, c'est qu'il tente de reprendre l'activité de Renaudot. En fait. Donc il écrit toute une série de brochures pour tenter de reprendre l'activité de Renaudot, et d'ailleurs le projet de Gerbier est de pratiquer le même taux d'intérêt que Renaudot, c'est-à-dire en invoquant le même argument que Renaudot, qui est le fait qu'on ne peut pas calculer la rentabilité du monde. Donc il faut se donner en quelque sorte, il faut se mettre au large. Donc 15% c'est bien, parce qu'on se met au large, même si le mont est pas si rentable que ça, avec 15% ça devrait aller. Voilà, et en fait, ce qui va se développer dans l'écriture des projets postérieurs, c'est le calcul. D'accord ? Donc, premier savoir, la théologie. Deuxième savoir, se passer de décisions royales, plus ou moins interprétées, de lois précédentes, de lois annulées, mais qui montrent qu'il y a toujours eu une volonté, enfin, ce que c'est censé montrer, c'est qu'il y a toujours eu une volonté politique de créer des mondes-piétés. En fait, quand on regarde de près, c'est pas tellement vrai. Mais ce que c'est censé montrer dans ces projets, c'est qu'il y a une continuité de l'action royale, si vous voulez, de l'action politique, qui est du côté de l'idée qu'il faudrait enlever. Ce qui se développe, ce qui se raffine au XVIIIe siècle, c'est justement le calcul. Gerbier, Renaudot, en 1626, ils proposent tous en gros 15 ou 20%. En disant qu'on ne peut pas calculer, et bien ce qui se développe au XVIIIe siècle, c'est pour ça qu'on se rapproche de plus en plus du taux légal, c'est le calcul. ce que les Glanières appellent la supputation. Donc il se fait un calcul de plus, des calculs de plus en plus précis pour gagner de l'argent en prêtant au-dessus du taux légal, mais de manière à ce que ça se rapproche le plus possible du taux légal. D'accord ? Donc c'est ça qui se développe et se raffine, puisque ça s'adresse à ceux qui vont faire travailler leur argent au monde et à ceux, pour l'administration du monde, qui va se payer sur ça et sur les ventes. Donc ce qui se développe, c'est en réalité adressé à des gens qui vont faire travailler leur argent dans ce type d'affaires. Donc pour qui il s'agirait de faire travailler leur argent dans ce type d'institution, c'est du calcul pour rapprocher ça au maximum du taux légal. Je récapitule, ça va, c'est à peu près... Je récapitule. Qu'est-ce qu'on voit dans la succession de ces projets ? Dans l'accumulation de ce savoir, mobilisé pour convaincre ceux qui le peuvent de créer une institution de crédit. Je répète, un savoir théologique. La science théologique qui fait basculer du politique dans l'éthique, qui ramène les questions politiques du côté de l'éthique. Deux, un savoir juridico-politique et historique qui pose la question de, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de comment ils ont accès, les auteurs de projets, à ces savoirs sur, sur la volonté royale, sur les précédents édits, etc. Ils ont forcément accès à des collections, des collections de documents qui contiennent des décisions royales, qui contiennent des lois et qui contiennent aussi les précédents projets. Parce que les précédents projets, en règle générale, ce sont des manuscrits. Ou ce sont des feuilles volantes imprimées qui ont disparu, qui ne sont pas dans des collections. Il n'y a pas de collection publique. Donc ce sont forcément des gens qui ont eu accès à des collections de documents comprenant des lois, comprenant d'autres projets. Et ça veut dire qu'ils ont des réseaux de connaissances, de gens qui détiennent, qui ont fait ces collections. Alors, peut-être le savez-vous, la collection de ce type la plus célèbre pour les XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la collection de Lamarre, qui était conservée actuellement à la Bibliothèque nationale de France. Alors, de Lamarre, c'est un commissaire de police, bon, c'est-à-dire qui a écrit un très célèbre traité de la police au début du XVIIIe siècle, mais pour écrire son traité de la police, il avait rassemblé une documentation extrêmement importante de manuscrits, d'imprimés, de feuilles volantes, de trucs qu'on ne trouvait pas ailleurs, qui lui ont servi à réfléchir sur la police. Alors, ces documents, un commissaire de police, ce n'est pas quelqu'un qui a une position, ce n'est pas un magistrat important, hein, c'est un magistrat tout à fait subalterne dans l'organisation des pouvoirs publics. Et voilà, il a néanmoins recueilli, rassemblé une collection extrêmement importante de documents. Et il est clair que les auteurs de projets ont accès à des collections de ce type. Je ne sais pas si c'est la collection de Lamarre, hein, mais dans la collection de Lamarre, il y a tout un ensemble de Montpiété, de projets de Montpiété et de décisions royales, mais ils ont forcément accès à ça. Troisième savoir, mobiliser le calcul. Un calcul financier qui se perfectionne pour créer, sur le papier, une institution à la fois acceptable moralement et rentable. D'accord. Et cela d'ailleurs alors que certains véritables mondes prêtés, de piété par exemple dans les Flandres, prêtaient effectivement à 15% sans problème. Donc vous voyez, il y a un décalage entre la réalité, c'est-à-dire que les mondes piétés qui existaient sur les territoires français, je l'ai dit au départ, type les mondes piétés de Lille, Douai, Arras, prêtaient à 15%, et sans que ça pose de problème. Mais eux, il s'agit de penser, de tenter de créer une institution à la fois moralement acceptable et rentable. Donc avec des taux inférieurs à ce qui se pratiquait depuis très très longtemps dans ces villes du Nord. Quatrième savoir qui s'élabore là et qui se combine aux autres, c'est un savoir de la gestion, de ce qu'ils appellent la régie d'un pareil établissement. Et là aussi, il s'agit de garantir la probité de l'opération. Par exemple, vous avez ça chez des Glanières. Page 3, je vais me faire complètement dans le propre document, c'est important. Page 2, 3, vous avez des éléments sur la gestion. Voilà. Modèle de la régie, ça, page 3. C'est page 3 en bas. Modèle de la régie du Mont-Piété, qui est divisé en plusieurs articles. Donc voilà, l'article 2 désigne les administrateurs qui seront 20 personnes connues d'honneur et de probité, en état de faire par chaque administrateur 200 000 livres de fonds, donc des gens très riches, lesquels donneront au total celle de 4 millions, suivant l'article 2 porté au projet des statuts. Article 3, un directeur général sera nommé pour répondre à toute l'administration, qu'il faudra qu'il connaisse bien à fond et dans toute son étendue. Pour cet effet, le sieur Richard Desglanières, auteur de cet établissement et de la présente PJ, pense que les administrateurs ne lui refuseront point cette place, avec un seul intérêt comme administrateur faisant le fond comme les autres. Donc vous voyez que c'est ce que je disais au début sur le fait que c'est des projets, c'est pas des grands projets de réforme, destinés à se placer très, très explicitement, mais vous voyez, donc il prévoit des administrateurs, un directeur général, deux sous-directeurs, l'un pour la direction des magasins et l'autre pour les comptes et enregistrements et concernant la caisse. Les sous-directeurs veilleront sur la conduite des commis employés dans la dite administration, personnes d'honneur et de capacité. Un caissier général sera nommé, bien connu par sa bonne réputation, à cause du crédit pour le public et pour la sûreté des deniers. Article 9, il y aura 12 registres, un par mois. Et alors là, si vous regardez dans le manuscrit, c'est assez drôle parce que vous avez des modèles dessinés de registres sur comment tenir les comptes de ce monde piété. Et donc ça se développe beaucoup dans les projets du XVIIIe siècle. C'est un savoir comme ça de multiplication des officiers, des commis, des agents et des précautions. C'est-à-dire aussi en fait des gens qui vont gagner de l'argent dans la terre. Et aussi multiplication des registres avec donc une omniprésence d'un souci de comptabilité très sérieuse qui se développe. Alors, vous voyez que, bon, moi ça je trouve ça intéressant parce que ça a l'air d'une rationalisation et d'un progrès du contrôle. C'est-à-dire qu'on aurait dans ce projet quelque chose comme une rationalisation aussi, c'est-à-dire d'un progrès de la réflexion sur l'administration, sur l'enregistrement dans des registres, sur le contrôle par des comptes, même sur les formulaires. Ils sont très précis pour décrire les formulaires qui devraient être employés, sur comment décrire les biens qui sont apportés, mis en gage, etc. Mais vous voyez que ça se fait à même des projets qui servent des individus. C'est-à-dire qu'on n'est pas, par rapport à l'idée qu'on serait au XVIIIe siècle, dans un progrès général de la rationalité, de la rationalisation scientifique. Ici, ça se passe dans des projets extrêmement, vous voyez, qui ont une fonction très précise de faire autoriser quelque chose et de placer ces auteurs. Donc, la rationalisation, ça se produit vraiment à même l'écriture de ces objets et pas comme, si vous voulez, l'application d'un esprit des Lumières, par exemple. Alors, voilà. Je termine rapidement. Avec une question puis un élément de récit. Donc une question, il s'agit de toute cette accumulation de garanties, toute cette accumulation savante, ça s'adresse à qui? Pour quel lecteur? Pour qui fonctionnent ces garanties, cette accumulation de garanties? Alors, chez tous les auteurs de projet, ça c'est un point qui est à noter, il y a un passage par la publication imprimée. Alors, Desglanières, je vous ai donné ce que j'ai moi-même pris dans des manuscrits, mais, et il s'adresse avec son manuscrit au bureau du commerce, mais dans le but de faire autoriser la publication imprimée de son ouvrage. But qui est d'ailleurs atteint, puisque le conseil du commerce conseille la publication imprimée. Alors, c'est une publication partielle, c'est pour ça que je vous ai donné la version manuscrite, mais il y a une impression, il y a une publication imprimée. C'est aussi le cas de Baptiste Jardier, et c'est aussi le cas de Théophrasse Renaudot, ça passe par l'imprimé. Et les projets qui se trouvent dans la collection de Lamarre sont pour l'essentiel imprimés. Voilà. Alors, ça pose une question parce que la publication imprimée, ça implique qu'il y a des lecteurs, ça vise des lecteurs qui ne sont pas directement les marchands ou les magistrats auxquels un mémoire manuscrit pouvait être remis et auxquels souvent ils sont remis. Donc, dans tous les cas, il y a un passage par la publication imprimée. Alors, la publication imprimée, il est possible que ça ait pour but de trouver des associés. C'est simple. Mais il me semble que la publication imprimée permet aussi de montrer, de publier, la bienveillance du pouvoir politique ou de l'un de ses organes qui autorise cette publication. Le fait même qu'il y ait publication imprimée signifie qu'il y a eu autorisation à publier. Et donc, il s'agit en quelque sorte d'anticiper une décision de création qui n'a pas forcément lieu pour la rendre possible. C'est-à-dire que la publication imprimée anticipe, en montrant la bienveillance des autorités, la décision de création qui elle, n'a pas forcément lieu. Et il me semble que la publication imprimée, c'est justement ce qui permet ce travail de l'objet produit. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un passage par une forme de publicité et d'autorisation publique, et ce qui permet aussi la construction progressive de cette science qui s'élabore là-dedans. Alors, dernier point, la fin, le récit que je vous annonçais. Alors, le dernier auteur de projet que vous avez dans votre documentation, et qui est en fait effectivement le dernier, c'est Frédéric Saint-Lucien, qui lui produit donc directement un livre. Donc ça passe pas par la case manuscrit envoyé à tel magistrat qui en autorise la publication, c'est directement un livre, en fait avec deux éditions, 1775 et 1778, c'est-à-dire juste avant je vous ai dit, création du monde qui était effective, c'est 1777-78, donc juste avant et juste après, la création du monde qui était parisien. Donc lui, il écrit à un moment où la question est effectivement en train d'être prise en charge par le pouvoir politique, et cette fois véritablement. Et Prévost de Saint-Lucien était sans doute lié à Franvoyer de Bonnet, qui est le premier directeur du Monde, finalement inauguré en 1778 et qui pratiquait un taux de 10%, en tout cas à Beaufy, son premier commis puis successeur, deux hommes qui étaient des officiers du roi. Hein. Donc Franvoyer de Bonnet était subdélégué de l'intendance de Rouen avant de devenir directeur du Monde parisien. Donc c'est des officiers du roi. Je dis que Prévost Saint-Lucien était probablement lié à ces deux-là parce qu'on le retrouve dans l'administration du Monde finalement créé. Lui-même qui était avocat et non pas marchand ou financier comme les auteurs de projets précédents, il se retrouve ensuite, immédiatement après la création, dans l'administration du Monde. Son livre est beaucoup plus accueilli, disons, que les projets précédents. Il y a des comptes rendus dans les journaux, hein, il y a des débats autour de la publication. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe de manière concomitante? Il y a une reprise par les pouvoirs politiques de la question du monde qui était, et en même temps, il y a la publication ne débouche pas sur le silence et uniquement la reprise par un auteur suivant le projet, mais bien de débouche sur un débat, sur des discussions, sur des comptes rendus. Hein. Donc il y a toute une série de gazettes et de journaux de l'époque qui commentent le livre et qui en fait l'accueillent favorablement, qui en guide l'accueil par le public en quelque sorte. Et vous avez par exemple page 10 en gras le commentaire d'un journaliste qui est, comme il est très favorable, est réimprimé dans la version de 1778, dans la deuxième édition, qui est le commentaire de tous les projets, plans ou systèmes politiques, économiques, théologiques qui ont passé sous nos yeux depuis quelques années. Ils sont en grand nombre. Aucun sans exception ne nous a paru aussi bien présenté que celui dont il s'agit. D'autres auront un appareil plus imposant, un ton d'importance et de profondeur, qui n'est souvent qu'un jargon, un air abstrait et scientifique qui semble tenir à l'orgueilleuse science des calculs. D'autres encore affecteront tantôt le langage mystique des sciences occultes, tantôt le style grave et sentencieux, la majestueuse concision et le tranchant des législateurs. L'écrit que nous annonçons, plus simple et cependant... Vous voyez que il y a les savoirs que je vous désignais tout à l'heure, hein, les calculs, le ton grave et sentencieux de législateur, la science mystique, etc. L'écrit que nous annonçons, plus simple et cependant plus travaillé, moins raisonneur et plus réfléchi, est proprement ce que Montaigne appelle un livre de bonne foi. Écrit qui serait encore plus utile que tous ceux dont nous venons de parler, quand même le zèle de l'auteur aurait pu tromper ses lumières, ce que nous sommes loin de penser. Car les spéculations étalées avec le plus de faste et de prétention peuvent bien ébouir, engouer ou même passionner les penseurs, sans qu'il en résulte un seul fait qui contribue au bien public. Mais si ce livre est intéressant par la nature du sujet, il est du moins aussi curieux par la manière dont le sujet est traité. Donc, en quelque sorte, quand le pouvoir s'en mêle, un pouvoir devenu cette fois réformateur, hein, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a un succès de publication, des échos, une promotion de l'ouvrage. C'est-à-dire ce projet qui ressemble à tous les autres, en fait, hein, qui prend la suite de tous les autres, est accueilli avec un écho beaucoup plus grand. Et ce qui se passe chez Claude Saint-Lucien, c'est que les savoirs et les objets qui étaient jusque-là mêlés se séparent. C'est-à-dire que ce que fait Prévost Saint-Lucien, je dis qu'il ressemble à tous les autres, non, il y a quelque chose qui fait qu'il ne font pas les autres, c'est que lui, il sépare les questions de finances et les questions de charité. Lui, ce qui était complètement mêlé, les calculs financiers, les questions de charité, la consommation, là, c'est séparé par Prévost Saint-Lucien. Et il... Ce qui est décidé, c'est que ça correspond au fait qu'au moment de cette création effective du monde piété, eh bien, c'est construit comme étant concernant exclusivement les pauvres. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait précédemment dans les projets, tout ce qui était une tentative pour inventer un instrument de crédit, un instrument de crédit à court terme destiné à favoriser des échanges commerciaux en particulier, en mettant plus de liquidités, en donnant des accès à des liquidités et en permettant une rémunération légèrement supérieure au taux légal de l'argent. Tout ça est écarté au moment de la création du monde et également dans le dernier projet, puisque ce monde d'été est strictement pensé comme pressurgage à la consommation pour les pauvres. Avec ce qui ne veut pas dire que ça va faire ça ensuite, ça ne va ne s'occuper que de ça dans l'histoire postérieure du monde, mais au moment où c'est créé, et symptomatiquement dans le tout dernier projet, celui qui est le seul célèbre, celui qui est le seul discuté dans les journaux, celui qui a la forme d'un livre relié, etc., se sépare ce qui était jusque-là complètement mêlé, c'est-à-dire la dimension financière, la dimension charitable, et le fait que l'argumentaire éthique recouvrait une tentative pour penser et créer un mode de financement, privé, mais autorisé et garanti du crédit. Voilà. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit là, c'est qu'avec ces projets, on est bien dans une forme d'histoire politique, et non pas simplement dans une histoire technique ou intellectuelle d'objets qui n'ont débouché sur rien, hein, qui étaient purement du côté de l'invention, de l'inventivité chimérique, mais en suivant l'élaboration et pour finir la transformation des projets eux-mêmes, on peut voir se cheminer une histoire de pratiques socio-économiques parallèles avec une tentative pour en faire accepter certaines, autoriser certaines par le pouvoir politique, et finalement au moment de la création du monde piété, la séparation de ce qui était jusque-là associé. Et donc, il me semble que les deux objets sont intéressants. À la fois, évidemment, la création du monde piété, ce qui se fait quand le monde piété est effectivement créé, la décision de création, ce qui est contenu dans la lettre patente, et de lire en parallèle le projet de Prévost Saint-Lucien, mais aussi de regarder tout ce qui était tenté dans cette succession de projets et tout ce que ça impliquait, tout ce que ça a pu impliquer de travail, de compétences et de connaissances. Voilà. Hein. On voit dans les projets qui précèdent celui de Prévost Saint-Lucien, qui précède le dernier projet, une composition de savoir qui est tout à fait instrumentale, puisqu'elle est destinée à justifier, à faire autoriser à son propre profit de l'auteur à chaque fois, des pratiques de crédit dont sans doute le pouvoir politique ne voulait pas, mais que cette proposition des savoirs, elle est extrêmement intéressante à voir se construire et progresser et circuler à l'intérieur de groupes qui sont très probablement des groupes marchands. Voilà. Et qui tentent très, dans une très longue durée, hein, sur 100 ans, sur 150 ans, d'introduire des possibilités de crédit et aussi avec quelque chose de concurrencé éventuellement de la part d'État d'ailleurs, hein, stabiliser un certain accès à l'argent et à la rémunération de l'argent dans un moment d'économie très très incertaine. Voilà. On a assez de temps, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Daniela. La parole maintenant, peut-être pour poser peut-être des questions d'éclaircissement et puis aussi pour discuter les analyses et des remarques sur les objets qui ont été traités. Alors, c'est des objets lointains, mais je voulais essayer de montrer comment ça pourrait être révélateur de certains mécanismes. Bon, là, en l'occurrence historique, mais sur comment c'est le rapport entre l'éthique et le politique en particulier dans ce type d'argumentaire. Permettez-moi juste plusieurs commentaires. Donc je fais ma thèse de doctorat en économie sur le monde pété bordelais. Donc je voudrais revenir sur deux points, si vous permettez. Il y a un premier projet avant celui de Renaudot en 1616, duc de l'Est, qui est vraiment très avancé, il me semble, beaucoup plus avancé que celui de Renaudot, et même les projets qui viendront après, puisque Hugues de l'Est, si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il propose un taux d'intérêt autour de 6 et 9%. Avec, il veut même rattacher une forme d'office de placement pour inactifs. C'est un gros livre. Oui, je l'ai pas lu, mais j'ai travaillé un peu. Il me semble que c'était le premier élément. Et il existe aussi, vous avez parlé des monts piétés, donc qui prêtaient à taux autour de 15%. À Lille, il y a la fondation Mazurek qui prêtait à 0% depuis 1600, enfin avant le Montpété Lillois qui, à terme, a fusionné avec le Montpété Innocent. Moi, je voulais rebondir sur ce qui s'est fait à Bordeaux. Donc, vous avez parlé d'hypothèses de travail, les projets ne viennent pas forcément du pouvoir. On le voit très bien aussi à Bordeaux. Il y a deux projets à Bordeaux, donc le Montpété Bordelais est créé en 1802. Il y a deux projets en 1780 qui émanent de marchands, comme vous l'avez dit. Et l'opposition est venue du Parlement de Bordeaux parce que ces marchands ont essayé de concurrencer d'autres usuriers. Et donc il y avait une forte opposition entre les personnes qui voulaient créer des monts pétés qui rentraient en concurrence avec les usuriers qui souvent étaient au sein des parlements locaux. Et on le voit très bien à Bordeaux, l'opposition, enfin, au moins à Bordeaux, à Paris je ne sais pas, mais à Bordeaux on voit très bien dans les archives une opposition des marchands qui prêtaient à taux 100, 120, 150, 160% et qui refusaient une concurrence d'un mont pété qui aurait prêté autour de 20%, le mont pété de Bordelais prête à 24% annuel. Et aussi, il y a un point qui est important, il me semble, Necker a refusé la généralisation des monts pétés après celui de 1777 à Paris. Je pense que c'est important aussi, et ça a aussi peut-être ralenti la progression et le développement des monts pétés à l'échelle de la France. C'était quelques commentaires pour le sujet. Alors, il y avait quatre éléments. Alors, Hugues de l'Est, c'est vrai, c'est un projet plus ancien, tout début du XVIIe siècle. Alors, en fait, il n'est jamais utilisé par les auteurs postérieurs de projets. Donc, c'est ce point. Donc, j'ai essayé de me tenir dans le savoir tel qu'il se construisait dans les projets qui se greffent les uns sur les autres. Et bizarrement, effectivement, alors puisque ce fichier on le trouve à l'ABN, il est tout à fait. C'est la quand on utilise un moteur de recherche qui fait apparaître un monde piété dans le titre, on saisit évidemment, on tombe sur une de l'Est, qui est un des premiers, qui est un gros livre, et qui est un projet de monde piété, effectivement, charitable, antérieur aux autres, et qui n'est justement jamais mentionné, ni utilisé par les autres. Voilà. Alors ça, c'est un aspect. Donc, il me semble qu'il peut y avoir une déconnexion entre, entre des livres, on pourra en trouver d'autres, des livres qui reprennent les questions de ou du monde qui était entièrement gratuit, par exemple, il y a des ça réapparaît à certaines occasions, notamment autour de parce que c'est à Montpellier et à Angers, c'est des tentatives de bureaux de charité en fait qui prêtent quasiment gratuitement. Donc c'est pas des vrais mondes piétés en fait avec un taux. Et donc il me semble qu'il y a une déconnexion entre l'ensemble, enfin il y a une production énorme sur les mondes piétés, et à l'intérieur il y a cette catégorie de projets de mondes piétés qui sont très fortement liés les uns aux autres dans l'invention d'un type de connaissance et d'un type de tentative politique aussi. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Et effectivement, hein, donc dans plusieurs villes, Lille y compris, il y avait des bureaux de charité qui prêtaient gratuitement. Mais ça n'empêche pas, qu'il y avait des mondes piétés qui prêtaient 15% dans la même ville. Oui, et souvent, ceux qui prêtaient à 0% étaient peu développés et ne trouvaient pas sa clientèle. Notamment à Lille, on voit très bien, le monde piété lillois se développe énormément alors qu'il prête les clientèles, alors que la fondation de Durac, elle, BGF. Alors, sur la question de la concurrence, oui, enfin, c'est-à-dire que dire qu'il y avait des usuriers au Parlement, je pense qu'on pourrait le dire comme ça, mais c'est un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on peut savoir, c'est que des gens qui disposaient de grosses fortunes pouvaient, via des hommes de paille et différentes techniques, faire fructifier leur argent, y compris de manière usuraire, et qu'ils n'étaient pas forcément disposés à permettre justement un prix, des modes de garantie et d'institutionnalisation de prêts qui les empêchaient de réaliser qui les auraient empêchés de réaliser ce type d'opération. Donc effectivement, il y a probablement des choses de ce genre. Alors Bordeaux, ça doit être. Bordeaux, ils sont réputés pour être particulièrement cupides et avares, mais bon, c'est pas forcément. Non, mais. Non, mais c'est la ville portuaire, les commerçants et effectivement les marchands qui détenaient le pouvoir politique. Mais on voit très bien sur ces deux projets-là, l'opposition et les décisions du Parlement, on peut lire à travers les lignes que. L'opposition est réalisée parce que le Mont-Piété est une forme de concurrence et qui a amené la disparition de certains prêteurs. Et sur la non-extension du Mont-Piété après sa création à Paris, alors oui, c'est assez remarquable. Hein. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le projet il reste quelque chose des anciens projets dans le livre de Féaud de Saint-Lucien, c'est que lui, il prévoit une extension. Via les municipalités, prévoit une extension à l'ensemble, un maillage sur l'ensemble du territoire, et il prévoit aussi, et ça ne sera pas mis en place du tout, des prêts sur créances. C'est-à-dire, il ne prévoit pas simplement sur gage mobilier, mais sur tout type de créances, droits, et donc et étendu à l'échelle de l'ensemble du territoire. Donc ça c'est l'aspect qui reste du projet non réalisé dans le livre de Fabio Saint-Lucien. Et même il projette un autre livre à part qui est un projet d'assurance vie. Donc voilà, donc il reste quelque chose de technique de calcul dans le projet de Fabio Saint-Lucien, mais effectivement ça c'est ce qui fait de lui encore un faiseur de projet à un moment où c'est plutôt des choix. Bon, c'est un choix sarité. En fait, c'est l'hôpital général qui s'est mis sous l'administration de l'hôpital général, c'est-à-dire l'hospice général des pauvres. Donc c'est pas du tout justement ce qui est mis en place, mais pas du tout ce que les faiseurs de projet tentaient. Donc vous travaillez sur le mont bordelais au 19e siècle et aujourd'hui. Depuis la création du monde. Mais j'ai travaillé aussi sur les. Bon, vous n'avez pas parlé, mais sur les causes du retard du développement de mon côté. Donc vous avez une hypothèse. Une hypothèse. Lorsque vous avez parlé de l'idée du pré-intérêt, du retard du pré-intérêt, et j'ai trouvé des études, dont une étude, il me semble que c'est Laurence Fontaine, qui expliquait que tout au. Alors, je ne suis pas historien de formation, je suis économiste, qui expliquait qu'il y avait une, toutes les relations sociales tissées entre la noblesse et les populations avec des prêts offerts par la noblesse, mais souvent non remboursés. Et on trouvait sur la manière dont le prêt non remboursé sera construit sur la confiance. Non, voilà, exactement. Et on peut. Il me semble et des liens sociaux, et non pas, c'est-à-dire c'est des petits prêts. C'est des petits prêts. C'est des petits prêts, donc elle a travaillé sur ça, effectivement, dans Roche-Fontaine, sur la manière dont des petits prêts, en fait, continuellement remis, construisent des liens de clientèle et de dépendance, en fait. Pas forcément que entre nobles, d'ailleurs. Entre nobles et la population. Et on s'aperçoit que ces petits prêts, on les retrouve aussi dans l'histoire de l'Antiquité. Ce sont les petits prêts, et avec l'idée de renouvellement des prêts, on a aussi cette forme de dépendance qui s'établit. Bah, moi, je fais le lien entre des structures sociales traditionnelles qui entraînent des relations autour de l'intérêt qui ont bloqué le développement du monde-piété. Et je parle aussi sur, c'est montrer l'idée que le monde-piété s'est développé dans les périodes, dans les zones historiques très particulières, nord de l'Italie, les zones où le salariat se développe, où le salariat s'impose. J'essaie de faire la relation entre l'aide sociale et le monde-piété. Vous êtes près de la fin de votre stage, oui. Juste un petit mot sur. Je suis directeur du Crédit Municipal de Paris, qui est l'héritier du monde qui était très directement. Je ne suis pas un spécialiste d'histoire, donc je ne vais pas du tout sur cette période et notamment les taux d'intérêt. Ça veut dire que je ne suis pas particulièrement savant. Simplement, on a quand même une exposition en ce moment chez nous qui est d'accès libre. Oui, des Francs-Bourgeois, et qui porte sur la période 1777 à 1918, et qui est assez intéressante. C'est une historienne qui a beaucoup travaillé, qui nous a fait un travail intéressant. Je vous invite à venir jeter un coup d'œil. Je reviens une seconde sur Necker. Je pense qu'il a eu un rôle important après Turgot pour, je dirais, il a écrit contre-mesure et il était préoccupé par cela. Et l'homme qui a été l'homme opératoire dans l'affaire, me semble-t-il, c'est Le Noir, qui était le lieutenant général de police. Le Noir avait été là avant Turgot et a été mis à pied par Turgot et il est revenu. Et je pense que Le Noir était vraiment l'homme qui a, avec le prévôt de Saint-Lucien, et Framboisier de Benet. Framboisier de Benet et Prévôt de Saint-Lucien étaient du même village normand, et 80% des employés du monde qui était de Paris venaient de ce village. Je dis ça. Ça aide. En 1577. Je ne savais pas. Et je dirais que Necker avait à la fois été ouvert, quand même au monde qui était, mais très réticent, et donc il a laissé faire Le Noir. En disant, on fait une expérimentation et on va voir ce que ça donne. Je ne veux pas le répandre tout de suite sur le royaume. Et simplement, bon, ça a duré, la Révolution française est arrivée. Et après, évidemment, on est passé dans une autre aventure et le retard après sur l'implantation ailleurs est dû à ça. À chaque fois, il y avait une telle opposition dans les provinces, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, des parlements, avec des intérêts financiers subtils, puisque ça va jusqu'au. Membres du Parlement qui font même leur propre placement et qui voient un risque là, qu'il fallait un intérêt particulier du roi. Ça a été le cas sous Renaudot, parce que Renaudot était ami de Richelieu, et Richelieu l'avait nommé commissaire au plan du royaume, etc. Donc on a eu une conjonction très très particulière, et à la mort de Richelieu et de Louis XIII, tout de suite le Parlement a escanté Renaudot, c'est-à-dire lui a enlevé toutes les autres créations de l'État, plusieurs clauses. En même temps, je ne vais pas être trop long là-dessus, je dirais aussi que le tout public et les pauvres, jamais les mondes qui étaient en pratique n'ont traité les pauvres seulement. Ils ont traité les personnes qui avaient des difficultés financières, qui se trouvaient pris à la gorge, et réellement, c'est-à-dire qu'à l'époque de Louis XVI, le problème était pour les nobles qui avaient des difficultés financières, pour les aristocrates, les petits bourgeois quand même. Tous ces gens-là qui étaient absolument égorgés par les usuriers. Absolument égorgés par les usuriers. Et au début du monde qui était entrevu, la création officielle était début 78, mais dès 77, en décembre 77, il y avait toute une série de clients. Et tous les premiers clients étaient des clients avec des gros prêts, des prêts importants. Et ça continuait, c'est-à-dire que le monde qui était aujourd'hui aussi continue à aider des personnes qui sont, qui passent par un cas difficile, mais toutes les classes sociales passent. Le premier arrondissement de Paris qui vient au monde qui était de Paris, c'est le 16e arrondissement. Étonnamment, si vous voulez. Aujourd'hui, on a c'est eux aussi qui connaissent, qui fait un savoir. Oui, et puis dépose autre chose que des bijoux. Je voulais dire ça. Et le dernier petit point, c'est le taux d'intérêt. Précisément, cette querelle qui date de l'époque pontificale, où vous aviez d'un côté, vous aviez les franciscains qui se sont, les récollets des franciscains, qui eux sont vraiment. Étaient au contact des pauvres, au contact des gens en difficulté, et qui eux disaient non, mais arrêtez, c'est pas possible. On leur pratique des taux d'intérêt énormes, accepter un petit taux d'intérêt qui permette de couvrir les frais. Et donc, c'est ce qui est arrivé à passer, et le Conseil de Latran a entériné cet aspect, mais c'était une lutte constante. Et aujourd'hui, on s'est lancé dans le prêt du microcrédit. Et j'ai 35 associations partenaires, j'ai d'énormes difficultés avec les associations professionnelles, d'origine professionnelle, parce qu'ils veulent tous un taux d'intérêt zéro. Autrement, ils ont un mal fou à faire adhérer les bénévoles et tous les gens à autre chose qu'un taux d'intérêt zéro. Et du coup, c'est assez drôle de me retrouver dans la même situation de réflexe quasiment. De tout ce qui est religieux. Alors, Mme Fontaine, elle dit que le taux d'intérêt est révolutionnaire. Et en tout cas, elle explique qu'en fait, oui, ça bouscule l'ordre établi et que l'ordre établi a plutôt besoin d'un taux d'intérêt zéro parce que ça ne bouge pas. Il ne faut pas aider des gens à faire plus que ce qu'ils pourraient naturellement faire. Excusez-moi, j'étais un peu long. Alors, les gens qui travaillent sur les mondes effectifs, enfin, effectivement créé, par exemple à Aix, montre toute la diversité sociale, effectivement, hein, des gens qui vont au monde, enfin, les gens qui, effectivement, quand ils existent à Montpiété, les gens qui vont au monde, il y a une très grande diversité sociale, des gens qui viennent mettre en gage. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une institution qui conserve effectivement que les pauvres. Il n'empêche. Surtout qu'en plus, pauvres et misérables. À l'époque moderne, ça peut vouloir, enfin comment dire, ça peut ne pas désigner des gens qui sont, enfin un misérable n'est pas nécessairement quelqu'un de pauvre. Ça peut désigner par exemple une veuve ou des veuves ou des orphelins riches sont des misérables qui ont besoin d'une protection particulière. Il y a des types de difficultés ou de fragilisation sociale ou de sortie des réseaux d'aide qui fait qu'on devient, qu'on est considéré comme misérable. Et ce n'est pas la misère au sens d'une pauvreté habituelle, au sens où nous interpréterions le terme misérable. C'est un point à sentir. Mais là encore une fois, il y a ce décalage entre les pratiques sociales effectives du prêt sur cadre et la production intellectuelle et politique que j'essayais de présenter aujourd'hui. Et avec donc le fait que la charité soit un instrument, si vous voulez, la charité et l'éthique soit un instrument de la pas dans un sens stratégique, hein, mais un instrument effectif de d'élaboration d'instruments et de pensée des relations sociales à travers ces instruments, en fait. Voilà, à travers ces instruments de relations commerciales, de relations disons, de relations sociales pensées comme relations commerciales. Peut-être ça, c'est l'autre point que je n'avais pas dit avec beaucoup de clarté, mais ces types pensent, c'est des relations sociales d'effet, justement, des liens de dépendance réciproque, pensées comme un mode de relations commerciales. Cela à l'intérieur de propositions éthiques, enfin sous couvert de propositions éthiques. Ce qui va un peu à l'encontre de ce que M. Tanguard a dit. Napoléon a institué un monopole de gaspillage, ce qui a rendu très compliqué la création d'institutions en France, en tout cas, de caractère commercial, puisqu'on est des institutions publiques. Établissements publics administratifs qui ne faisons pas particulièrement de bénéfices, C'est donc un intérêt de faire bénéfice dans ces cas-là. Et du coup, on est des institutions qui, avec des taux d'intérêt limités, naturellement relevant des taux d'usure et des appétences, bien évidemment. On est très en dessous des taux d'usure réels. Mais autrement, spontanément, naturellement, aujourd'hui, ils interviennent le secteur, ça c'est une veine, parce que les gens qui recourent à nos services, plus 700 personnes en ce moment par jour, hein, plus 700 personnes, c'est que le premier dégage, j'ai un peu plus d'un million d'objets en stock. On a du mal à imaginer. On a 23 000 mètres carrés au centre de Paris, derrière le pont mobile, dans lequel vous avez plus d'un million d'objets stockés. Et les personnes qui viennent, et surtout les plus modestes, mais même, je dirais pratiquement les autres, n'ont pas la moindre idée du taux d'intérêt pratiqué. Je ne dis pas qu'ils s'en moquent, mais ce n'est pas leur souci. Leur souci, c'est de récupérer l'argent. Et c'est des proies absolument faciles, et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire une personne qui doit rembourser 2000 euros, qui doit vraiment rembourser 2000 euros, si elle va dans une banque, aujourd'hui, ces personnes-là qui sont fragiles, les banquiers ne leur prêtent pas. Et à partir du moment où le banquier ne prête pas, elles ont tout intérêt, il faut qu'elles trouvent l'argent. Mais le temps, elles ne le demandent même pas. Et quand elles sortent, moi j'ai fait des enquêtes régulièrement pour savoir s'ils connaissent leur taux d'intérêt, à 98%, ils ne savent pas quel est le taux pratiqué, mais aucune idée. On leur donne, c'est affiché, c'est écrit, c'est... S'ils le demandent, évidemment, nous, on leur donne. Mais ils peuvent nous le redemander, ils pourraient... Même pas du tout, ils ne nous le demandent jamais. Donc, c'est des proies, effectivement, très faciles pour les usuriers. Je nuancerai un peu quand même votre commentaire, parce qu'ils savent que là, c'est le taux le plus intéressant qu'ils vont trouver. Sans avoir besoin de savoir le taux, c'est auprès du municipal qu'ils seront le moins fonctionnés. Mais est-ce que vous faites des enquêtes sur le... Est-ce que ce n'est pas du tout les mêmes gens qui ont recours au crédit municipal et qui ont recours aux institutions de crédit par exemple, sur Internet ou je ne sais pas quoi, ou est-ce que les mêmes personnes peuvent avoir recours aux deux à différents moments de leur vie? Oui, absolument. Mais, si vous voulez, c'est des proies très faciles pour les pré-revolvings. Ils ont en général des pré-revolvings, hein, parce qu'ils ont la carte de fidélité du magasin. C'est très revolving, à 21% de 3 mois, à 4% de départ, et puis c'est rapidement 21%. Donc, ils ont déjà des prêts. Mais ils ont beaucoup de mal, quand même, souvent, à avoir des prêts bancaires classiques. Aller voir leur banquier. C'est plus délicat. Mais en même temps, comme on a toutes les catégories sociales, on a des gens qui sont bancarisés et qui trouvent qu'apporter des bouteilles de vin d'Arca, puisqu'on peut déposer du vin, ou éventuellement un collier, ou des bijoux, une montre, c'est au fond plus commode que d'aller voir son banquier parce qu'on peut toucher en cash jusqu'à 3000 euros tout de suite, quoi, dans l'heure. Donc le tout, c'est de nous connaître. Quand ils ne nous connaissent pas, ils font pas ça. Le point important aussi, on l'observe, moi je le sais à Bordeaux, mais c'est le cas dans tous les établissements français, les taux de remboursement sont compris entre 94-98%. Moi je suis autour de 92. 92, ça veut dire que plus de 9 personnes sur 10 récupèrent leur engagement. Et lorsqu'on vend l'objet, on donne la différence entre le prix de vente et ce qu'on a prêté à la personne. C'est très important par rapport à la pratique d'autres. Je prends l'exemple d'un tableau russe parce que nous avons des commissaires-priseurs, et depuis l'origine, hein, ce sont les commissaires-priseurs qui font l'estimation avec leurs employés. Ce n'est pas une estimation. Et le commissaire-priseur dit ce tableau russe, il nous a dit 8 000 euros, nous avons prêté 4 000 euros, la moitié, il est parti à 48 000 euros. Donc on a rappelé la dame pour lui dire vous avez un peu plus de 40 000 euros qui vous arrivent là, j'étais content. Mais c'est effectivement l'intérêt d'institutions de ce type par rapport effectivement à quelqu'un qui fixe n'importe quel montant et qui ensuite, lorsqu'il vend, prend la différence entre l'un et l'autre. Là, j'aurais fait un bénéfice de 40 000 euros directement, ce qui n'est pas une augmentation. Par contre, c'est pas très net dans les projets de l'époque, parce que c'est des questions qui sont posées, c'est-à-dire si on vend. À qui revient la différence en fait. Donc ça c'est thématisé en fait, hein, les gagnants en parlent pas mal par exemple, et ils préconisent un partage voilà. entre le mont et... L'astuce a été de trouver cette formule de commissaire-priseur. Mais dès le départ, hein, ils ont démarré là-dessus, sous Napoléon c'était totalement socialisé, et le taux d'intérêt, le taux de prisé, c'est-à-dire la rémunération de l'estimation, on est au même taux que comme il dit sans doute pour les commissaires prédeurs. On est 0,43%, 0,23%, je ne sais pas. Exactement le terme, je ne pratique pas personnellement, mais c'est pratiqué toujours aujourd'hui comme ça a été autour de Napoléon. Donc il y a quelques constantes quand même là-dedans, sauf les objets gagés. Évidemment, les objets gagés ont beaucoup évolué dans le temps. On a gagé des matelas, on a gagé des bicyclettes, on a gagé des voitures. Et aujourd'hui, on gage des bijoux pour l'essentiel, pour 90%. Et 90% de bijoux ? Pas loin de 90% de bijoux et pas loin de 85-87% de femmes comme clientes. Et ces femmes-là, pour elles, c'est une alternative au crédit classique. Alors, c'est communautaire, mais c'est aussi communautaire dans le 16e arrondissement. Elles le connaissent, elles sont occupées. Et c'est elles qui tiennent les crédits là. Excusez-moi. C'est très intéressant. Mais effectivement, on a des éléments de constante, mais on évolue avec le temps. Par exemple, le vin, c'est tout à fait nouveau. Et on a une vraie clientèle qui peut déposer du vin aujourd'hui, alors qu'il y a un siècle, Et vous n'avez plus de bicyclettes, de matelas, de draps. Fort heureusement, nous n'avons plus de matelas. Mais les matelas, nous avions 5-6 000 matelas. Pour les majorités d'entre eux, déposer le matin et récupérer le soir. Et avec l'argent qu'on leur donnait, ils le détournaient. Et les bicyclettes, ça a été très important. Les voitures, c'était la même chose. Et on avait des grands garages dans Paris qui accueillaient des voitures. Donc on suit l'évolution de la clientèle. On ne prend pas, par exemple, tout ce qui est numérique. Moi, j'ai arrêté de prendre ça quand je suis arrivé. Une perte sèche. Mais on est quand même à l'écoute. On fait du microcrédit maintenant. Et c'est une formule pour les gens qui nous parlent, eux, de ce qu'on a. C'est un petit aperçu sur... une activité qui reste très présente et que les gens n'imaginent pas. C'est-à-dire que pour beaucoup, on n'existe plus. On existe. Exactement. On a augmenté 60% de notre activité en 4 ans. C'est une activité spécifique avec le système économique. La courbe du chômage, le moral des ménages. Et la mise en gage, j'ai un administrateur de lycée en retraite qui passe beaucoup de temps chez moi en ce moment. Ça peut vous intéresser. Ça doit être un indice de morale, enfin. Ça doit être un indice de morale, effectivement. Ça doit être le moral des ménages joue pas mal, mais c'est vrai que le chômage aussi. Et c'est vrai que la période des Trente Glorieuses est une période de baisse d'activité assez sensible. De même qu'en 1885, c'était le pic des 2 millions d'objets, un peu plus de 2 millions 200 000 objets en stock. Et on est à 1 million, pas loin de 1 100 000 maintenant, mais on s'est retrouvé à 600 000 dans les années 70. Et à partir de 73, ça a commencé à refrémir un peu, et puis 4 ans, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que ce mois-ci, j'ai fait une augmentation de 50% par rapport au mois équivalent de l'année dernière. Donc là, c'est pas très bon signe. On anticipe un tout petit peu les évolutions, mais à court terme, hein, pas très loin. Donc j'espère que tout ça va se renverser. Mais pour l'heure, c'est vrai que nous sommes en suractivité des forces. Nous sommes ouverts le samedi, donc on travaille juste sur ce sujet. Non, pas du tout. On a plus. Juste au premier projet, qui a financé ça en fait? C'est qui a mis l'argent? Parce que le projet, celui qui a vu le jour c'est lui qui est bien en réalité. La réalité, ça vous devez savoir ça maintenant. Disons, c'était des rentes. C'est des rentes. Il y a des gens déposés, et notamment les membres du conseil d'administration qui étaient pour la plupart les administrateurs publics. Alors, c'était rémunéré à 5% à peu près par an. Et là, l'argent, c'est à qui? C'était de l'argent personnel qu'il mettait. C'était des fonds, ouais, mais c'était des administrateurs même de l'hôpital général, donc ils avaient des fonds. Il y avait des dépôts, de toute personne pouvait déposer. Donc c'était de l'argent déjà qui était fondé en quelque sorte pour des institutions, donc qui a été réutilisé. Pour créer l'hôpital général. Donc ce n'est pas une rentrée de l'État dans... Alors, l'hôpital général était quand même public, hein, mais... C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. C'est-à-dire que ça va toucher à toutes ces institutions qui avaient énormément d'argent qui leur appartenait en quelque sorte, mais qui étaient liées aux autorités, si vous voulez. C'est pas un fonds de l'État qui a été là. Ils sont tous libres, c'est ce qu'on appelle les fondations. Oui, mais c'est des fondations, effectivement, c'est des membres. C'est-à-dire, mais il y a eu toutes sortes de. Mais il y a eu toute une série d'édits successives portant sur les biens de main morte et leur usage. La constitution parle énormément suivant les villes à Bordeaux, c'est une société par action. Donc 12 actionnaires pendant 10 ans jusqu'au remboursement des actions. Rouen, il me semble qu'à Rouen, c'est une société d'actionnaires aussi à l'origine. Je pensais qu'à Paris aussi. Non, pas à l'origine. Ça l'a été un moment. Ça l'a été, c'est au moment où l'établissement a eu des difficultés financières. Là, ils se sont dit. Sous la Révolution. Pendant la Révolution française. Ils ont fait un essai avec des actionnaires et ça n'a pas marché du tout. Et du coup, ils ont changé de dispositif et on est revenu à un dispositif public. L'hôpital général a suivi tant qu'il ne perdait pas d'argent, tant que ça lui rapportait. Et une des périodes, ça a rapporté beaucoup. Au préfet de police de Paris, c'était Haussmann. Le monde qui était et le fait d'avoir des taux d'intérêt élevés lui a permis de faire des gros travaux dans Paris, parce que les travaux d'Haussmann ont été largement financés par les intérêts versés par les déposants au monde. Juste par rapport à votre hypothèse sur le fait que tous ces projets ne cachaient pas, mais impliquaient une transformation dans une institution nouvelle. Moi, je fais une étude sur ce qui était un monde piété au Costa Rica, en Amérique centrale, et en fait, quand je regarde l'évolution du système financier, l'entrée les réformes financières sont toujours le reflet des disputes entre les élites. C'est vrai, par rapport à ce que vous disiez, que les premiers prêts étaient à des gens qui étaient aisés, en fait, c'était moi ce que je regarde dans 100 ans d'histoire financière d'un petit pays d'Amérique centrale. C'est quand est-ce qu'il a existé son budget de travail? En fait, moi, je regarde la transformation du monde qui était en banque de travailleurs. Donc, je regarde à partir du moment où il n'existe plus, où il y a une institution qui est créée. Mais en regardant l'histoire, c'est vrai que ces projets, les nouvelles institutions financières, sont toujours portés par des élites qui, soit n'ont plus accès au crédit, qui sont étouffés par d'autres, ou qui... Et non, voilà, ça m'a fait... Le fait que les premiers prêts soient des gens aisés en difficulté. Mais en fait, moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la... au fait que au départ, c'est assez distinct de ce qui s'invente du côté, par exemple, de l'économie politique dans les académies, dans des institutions beaucoup plus centrales. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est d'observer des objets qui a priori n'étaient pas du tout pris comme source de réflexion sur le développement de raisonnement économique, d'économie politique, sur ce qui s'échange, disons, entre administrateurs et magistrats divers et du côté des savants logés dans des académies. C'est de regarder des objets un peu latéraux comme ça et de voir ce qui se produit là. C'est ça que je voulais dire. Après, c'est bien une tentative pour demander la création d'une institution. Donc c'est bien ça qui est demandé. Une petite question. Est-ce que on voit dans les productions de ces autres institutions, académies, chez les magistrats, etc., des références à ces projets? À ces projets. Alors, je n'en ai pas vu. Je ne suis pas. Est-ce que. Alors, Claude Saint-Lucien, lui, est précité. Voilà, effectivement. est très discuté au moment où il parle des autres. Voilà, pas avec une différence de reconnaissance pour les projets. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment attentive, mais j'ai eu un peu l'impression que tu as employé des mots qui semblaient indiquer qu'au moment où Frédéric Saint-Lucien rédige son livre, c'est à peu près concomitant de l'émergence d'un projet de la part des autorités. Oui, comme si elle avait voilà, un autonomie. Oui, c'est-à-dire oui, que son livre est son livre paraît avant la proposition. Son livre paraît avant que soit créé le premier monde de piété. Il est offert aux administrateurs de l'hôpital général, donc c'est à qui il s'adresse. Il va se retrouver dans l'administration du monde. C'est pas à peu près concomitant, c'est quelqu'un qui est tout à fait lié aux acteurs de la création du monde de piété. Mais ce qui. C'est comme ça que j'ai formulé en disant qu'on le pouvoir t'en mêle en quelque sorte. C'est-à-dire quand l'objet, le projet lui-même est transformé, le livre est transformé par le fait d'être produit dans ces conditions-là. Mais reste qu'il est rédigé avant et qu'il y a toute une série d'éléments qui ne débouchent pas, qui sont bien, qui restent du côté du projet, de l'élaboration du projet. Je comprends bien, ton objet c'est celui-là, mais en même temps, quand l'objet que l'on prend c'est le monde piété, on peut s'interroger sur le système argumentatif du refus et le système argumentatif qui aboutit à finalement cette création. Mais ce que je voulais pas dire, c'était que lui était l'initiateur intellectuel. Ouais, c'est voilà. C'est ça que je voulais pas dire. C'est vrai que la création du monde traité parisien n'est pas l'application du projet de Paris Saint-Michel. J'utilisais des formulations qui évitaient de penser qu'il est l'inventeur de ce qui est finalement. La création est une conséquence de cette succession. Voilà, prochain. Vous n'avez pas du tout caractérisé les intentions de vos projeteurs. Alors que l'exemple de la microfinance est quand même assez évident parce que dans la microfinance, il y a clairement la tension entre la volonté philanthropique et puis l'intérêt, bien compris. Vos projeteurs, sociologiquement ou individuellement, c'est les missionnaires aux armées qui cherchent à compléter leurs opérations, ou bien c'est les membres des membres de la compagnie du Saint-Sacrement qui veulent répandre les gloires de Dieu. Alors, c'est pas des membres éminents de la compagnie du Saint-Sacrement pour. Ils sont difficiles à identifier socialement. C'est-à-dire que les trouver. Alors, comment dire, il y en a qui sont connus par ailleurs, pour nous être connus par ailleurs. Mais quand on travaille par les objets-projets eux-mêmes, c'est difficile d'identifier socialement de manière précise ces gens. Ils manifestent des intentions de charité. Et en même temps. Mais comme vous l'indiquez, il faut réunir des fonds pour venir. Soit pour réunir des fonds, soit pour les avoir. Il faut utiliser les CIRL, soit pour les avoir. Dans tous les cas, ils sortent. Non, en général, non. Ils accompagnent ça d'une recherche. Ils n'ont pas les fonds. C'est un prospectus. Voilà. Ils n'ont pas les fonds. Ils accompagnent ça d'une recherche d'associés. Éventuellement, ils ont déjà des manières à trouver un associé qui t'a manqué. Donc, effectivement, du coup, il se prévient de la garantie de l'État puisque c'est publié. Mais est-ce que vous avez fait des recherches biographiques sur ces Oui, gars, mais alors. Il y a des coups que vous n'avez pas trouvé. Ça dépend. Mon Gerbier, il est trouvable. Déglanière, c'est. Déglanière, j'ai trouvé dans les marchands parisiens. Voilà. Il n'y a pas d'office particulier. Non, il va du tout ce côté-là. Il est du côté du monde marchand, vraiment. Comme des loges, hein, des loges, celui d'ici direct, c'est un marchand, je ne sais pas. C'est son artiste. Celui lui, il tente un coup avec les CIRL, mais ça marche. Ça n'a rien de scandaleux. Non, pas. Les payeurs des rentes, ils sont très contents de trouver tous les prétextes pour ne pas payer. Voilà, comme dit Pierre, plutôt receveur que payeur. Ah, oui. C'est pour garder le pognon et pour le faire travailler. Donc c'est absolument normal. Ce que je trouve, d'une certaine manière, ces objets, on pourrait les renvoyer tels quels, à. On pourrait dire c'est des donneurs d'avis. C'est des gens qui. Un donneur d'avis, c'est quelqu'un qui fait un projet de finance qu'il adresse au roi ou à un magistrat et qui a directement pour objet de lui permettre de s'enrichir lui-même. Bon voilà. On pourrait dire c'est des donneurs d'avis, c'est des sortes de donneurs d'avis, ces types-là. Voilà, ce que je trouve, ce que j'ai essayé de montrer, ce que je trouve frappant, c'est que c'est quand on les prend dans leur succession et dans leur totalité, on voit qu'ils forment, qu'ils construisent quelque chose quand même, qu'ils construisent quelque chose dans la durée, et que ça implique en particulier des types de compétences historiques et juridiques dont on ne mesure pas bien, dont on ne connaît pas bien la présence sociale à cette période-là. Et voilà, c'est assez intéressant que les deux se tiennent dans des objets qui, encore une fois, sont des objets conceptuellement assez faibles. C'est pas des objets étudiés par l'histoire de l'économie politique, c'est parce que c'est des projets de donneurs d'avis, c'est des gens, ils veulent être le premier administrateur du monde et être rémunéré pour ça, c'est ça qu'ils veulent. Donc, mais pour autant, il y a bien la construction de quelque chose là-dedans. Voilà, c'est ça qui est. Et une pensée de relations sociales. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le taux d'intérêt est révolutionnaire, mais ça, c'est des positions de Laurence Fontaine. Mais une pensée de la stabilisation de certains types de relations sociales en dehors des types de dépendance. Des types de dépendance traditionnelle. Bon, merci. Non, c'est nous qui te remercions. C'était extrêmement intéressant. Je vous donne juste deux informations sur les séances à venir. Le 1er décembre, c'est Paul Jorgnon qui viendra à le séminaire. Je n'ai pas le titre encore pour l'instant. Et si vous avez laissé vos coordonnées électroniques, vous allez les recevoir prochainement. Et la question des mobilités va rebondir le 2 février avec l'intervention de Ouda Laroussi sur cette fois-ci l'utilisation du crédit municipal et du mobilité dans la période contemporaine. Elle se soulève. Oui, elle a écrit un livre qui va sortir incessamment. Excusez-moi, thank you.